dans la vie de croisière d'assemblage requis. On jase avec Trico Machine, Émilie Pou et Dallas Green de City & Color. Tout ça en plus de nos chroniques sportives, geek et musicales dans la vie de croisière d'assemblage requis maintenant. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforce-Bourrette. Bonjour, Marie-Pierre. Salut, Mathieu. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Toujours heureuse d'être sur ce bateau qui te donne le mal de mer. Oui. Tu t'habitues tranquillement, pas bien? Ça va bien, ça va bien. Alors, aujourd'hui, on a un plan très chargé, encore plus qu'à l'habitude. Marie-Pierre, t'en croirais même pas tes oreilles, je pense. Mais je suis contente, c'est le fun comme ça. C'est bien de la variété dans la vie. Oui. Sûr. On a trois entrevues de trois artistes différents. On va recevoir Émilie Pou. Oui. Émilie Pou, tout à l'heure, pour nous parler de son maxi qui est sorti en janvier. Il va être en spectacle ce soir au Zénob, jeudi le 2 juin. Oui. On va parler aussi avec Dallas Green de City & Color, lui qui sort un album qui s'appelle Little Hell. Et ça, on va en parler avec Maxime Pronovo tout à l'heure en fin d'émission vers les 16h30. Sinon, on a aussi Trico Machine qui va nous parler contre les gaz de schiste parce qu'ils ont un événement qui s'en vient par rapport à ça, un spectacle. Alors, fait contre les gaz de schiste. Hein? J'imagine que s'ils font ça, c'est pas pour célébrer les gaz de schiste. Sûrement pas. Sortir les cresselles et les petits chapeaux. Oui, yeah, gaz de schiste. Non, je crois pas. Donc, Trico Machine plus tard dans l'émission. On va aussi parcourir le top 20 anglophone pour la période du 23 mai au 5 juin 2011. Et c'est avec ça qu'on va commencer. Sinon, il y a plein de chroniques aussi. Je pense que l'avalanche continue. C'était une vague. Un tsunami. Oh, ben, c'est le nom du maxi de... Émilie Pou. Tu as une chronique et un livre à nous présenter aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'Amélie Nothomb. De qui donc? Amélie Nothomb. Ah, bien sûr. Bien sûr. Moi, je vais avoir la chronique C'est un fait avec un paquet d'affaires complètement insignifiantes à savoir et vraiment pas tellement éducative. Sinon, on va avoir Simon Fitzbé avec sa chronique Le scoot des internets. Il va nous geeker ça encore, encore une fois de plus. Oui, j'ai l'impression que ça va être long avant que je devienne une geek. Ça va être très long. T'as tout l'été. Ouf. Quand même. Est-ce qu'on va y arriver? Pas sûr. Qui est-ce qu'on a aussi à l'émission d'aujourd'hui? On a Marc-Antoine Lavoie qui va nous parler de sport. Tout à l'heure, je crois qu'il va nous parler de course à pied. Je me rappelle bien. Bref, on a un gros plan et on va vous en parler plus en détail en cours de route, hein, pourquoi pas. Comme je le disais, on commence le palmarès anglophone top 20 et on a six nouvelles entrées cette semaine. On va entendre plus tard dans l'émission les Beastie Boys, Miracle Fortress, Chad Van Galen, Ostra et Gorillaz, mais on commence avec la 20e position. En 20e position, c'est Huckerville River avec Wake and Be Fine. Ah, quand même. Faudrait s'endormir en premier. C'est pas avec cette émission-là qu'on va s'endormir? Non. Que pour se réveiller, wake and be fine. C'est ça? D'accord. Numéro 19. Nouvelle entrée. Ça, Gorillaz. C'est très, très bon. En position numéro 19, nouvelle entrée, Foreigner to Arizona, sur l'album The Fall. Et avant ça, on a entendu Huckerville River avec Wake and Be Fine. Beau bloc, ça. Ça commence bien. J'aime ça. J'espère qu'on va continuer comme ça parce qu'il nous reste encore 4 nouvelles entrées à entendre dans le top 20 anglophone pour cette période majestueuse du 23 mai au 5 juin. On vous rappelle que les palmarès C'est fou sont publiés aux 2 semaines l'été et qu'on les diffuse ici dans la vie de croisière d'assemblage requis. Top 20 francophone une semaine, top 20 anglophone l'autre semaine. Là, on est dans l'anglophone. Ça tombe donc bien parce qu'on vient d'entendre 2 pièces en anglais. C'est logique. C'est logique, pas mal. On a plein de choses qui s'en viennent pour vous plus tard dans l'émission. On vous a énuméré ça un petit peu tantôt et vous allez pouvoir retrouver les notes de l'émission sur la page Facebook. En suivant Assemblage Requis. Super simple. On va mettre les liens là-dessus et sur assemblagerequis.com, évidemment, aussi. Et il y a les balado-diffusions à écouter sur ce site-là. Ça en fait des choses à retenir, hein? Oui. Peut-être un petit peu trop, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne en musique encore? On va l'entendre deux autres nouvelles entrées. On se gâte. On va entendre tantôt Chad Van Galen avec Sarah en 17e, mais avant, on va entendre la 18e place. La 18e place, c'est Ostra avec Beat and the Pools. Oh! Ah ben! On a de la musique qui fait comme d'ambiance vraiment particulière. Après Gorillaz, ça, là, ça sonne. Ça sonne lourd. J'aime ça. C'est bon. On n'a rien à dire. Ouais. Pas obligé de tout dire de quoi. On peut écouter la musique. Oui, ben oui. We'll be right back. Numéro 17. Nouvelle entrée. Sarah de Chad Van Gelin en position numéro 17 sur l'album Diaper Island. C'est tout neuf, c'est tout bon, c'est tout frais, ça fait une petite pièce d'été, là, le fun. Ah, c'est tranquille. Relax, ça tranquille, fait du c'est ça. Marie-Pierre? Oui? Il y a toujours le danse encore, là. On en parle depuis deux semaines, je crois. Oui. Et là, c'est vraiment là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ça commence. En fait, le festival Danse encore, c'est en fin de semaine. Oui. Dans le centre-ville de Trois-Rivières. Alors, on souhaite du beau temps pour le festival Danse encore parce qu'il y a plusieurs activités extérieures. Le festival Danse encore, pour ceux qui ne le savent pas encore, autant des spectacles amateurs, donc des écoles de danse, des écoles, des groupes de danse qui viennent présenter des numéros à l'extérieur. C'est une genre de petite compétition. Il y a également des classes de maîtres. Donc, par exemple, si quelqu'un veut aller tenter, bon, moi, j'ai jamais fait de ballet, j'aimerais ça essayer c'est quoi, nanana. Il y a des classes de maîtres pour lesquelles il faut s'inscrire. Donc, réserver sa place à l'avance. Il y a également des spectacles professionnels, dont les vendredis soir, samedi soir et dimanche soir, si je me trompe pas. Dont un d'eux, c'est Louise Le Cavalier. C'est, une grande danseuse qui revient au Québec. C'est, j'entends dire que c'est rare qu'on la voyait passer, en tout cas. Et bon, les vendredis soirs et samedis soirs, il y a des genres de grosses soirées, entre autres une soirée cubaine et une soirée hip-hop. C'est des soirées, j'imagine, qui doivent durer jusqu'aux petites heures de la nuit ou quelque chose comme ça, mais c'est à voir. Et donc, c'est vraiment diversifié. Et si vous voulez entrer sur le site qui est dans le centre-ville, auprès de l'hôtel de ville, c'est un passeport de 20 $. Donc, vous payez le passeport et vous avez accès aux compétitions amateurs et au site, etc. Et si vous voulez faire bon des classes de maître ou encore aller voir les spectacles professionnels, il faut payer à peu près un 10 $. Mais c'est pas très cher pour l'expérience, etc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les plusieurs styles de danse, entre autres ballet, danse percussive, salsa, tango, hip-hop, flamenco, c'est pour vous, le Festival Danse Encore. Donc, plein de possibilités et plein de plaisir en fin de semaine. Voilà, en fin de semaine. Pour ceux qui aiment la danse aussi, il y a un autre événement qui a lieu vendredi prochain, pas demain, en tout cas, nous, on est en direct le jeudi, mais pas ce vendredi-là. L'autre après, le 10 juin, c'est Caniche Barbecue, une soirée dance underground. Où danser à Trois-Rivières, le demande-t-on? Bien, le vendredi 10 juin, Caniche Barbecue, soirée dance underground, offrira une réponse éclatante à cette brûlante question. Une idée originale d'artistes multidisciplinaires comme Annie Pelletier et Sébastien Dulude en collaboration avec Fontaine Le Riche, Martin Brousseau et Benoît Perrault. La soirée événement permettra au public de vivre une expérience dansante dans un environnement visuel et sonore totalement électrisant. De 21h à 3h du matin, une musique enivrante sera propulsée par 6 DJ expérimentés qui se relayeront aux platines. Francis Arsenault, DJ Le Cancer. Ça, c'est chose de Gilles Cancer, je me souviens. Oui. Martin Brousseau, DJ Duluxe. Yannick Essiambre et Guy Gilbert. Soirée bénéfice pour l'atelier Silex. Tous les profits iront au financement d'activités de création ultérieure. La cause est bonne pour venir brûler les planches du Grand Caniche Barbecue. Voilà. 7$ en pré-vente, 10$ à la porte, service de bar sur place. C'est le Caniche Barbecue, une soirée de Dance Underground à l'atelier Silex. C'est sur la rue Père Frédéric, près de la gare Champflour au 1080. Il me semble que c'est intriguant, ça doit être drôle de danser sur de la musique underground. Oui, hein? J'imagine que tu peux danser un peu n'importe comment, puis ça passe. C'est à peu près ça. Un peu n'importe quel move, t'as l'air d'avoir une crise cardiaque ou encore de danser. Ça pique la curiosité. Ouais, j'aime bien Caniche Barbecue. J'aime le nom et j'aime l'image. Allez voir sur Facebook, vous pouvez chercher Caniche Barbecue, ça se trouve assez bien. Il y a aussi un tournage d'un vidéoclip qui s'en vient pour la pièce Sous l'effet de la vague. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard parce qu'on va avoir des nouvelles de notre ami qu'on appelle dans le temps Matante Frac, DJ Matante Frac, qui a eu des succès, des bombes ici assez fous dans le temps. Elle est de retour sous le nom de Renard Frac. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va continuer avec notre palmarès anglophone. On est rendu aux positions 16 et 15. On est toujours dans les nouvelles entrées. Hein. Ça n'arrête pas. Il y en a 6 aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, on entendra BC Boys avec Too Many Rappers, mais on commence en 16e. Avec Miracle, Fortress et Everything Works. Ah ben, tout marche de même, tout fonctionne facilement de même. Est-ce que j'ai juste genre à peser sur un bouton et puis la pièce va jouer, c'est ça? Oui. Ça fait juste marcher de même. Allons-y. Technologie, toi. On se croirait dans le futur, des années 2000 avancées, mettons. On n'ira pas jusqu'à 3000 tout de suite, là. C'est un peu loin. Sleeping in huge shoes on BTL all the time. Come back to me.

turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. On vient tout juste d'entendre les Beastie Boys avec Too Many Rappers, qui, cette chanson-là est sur leur nouvel album, qui est Hot Sauce Comedy, Part 2, oui, qui c'est est sorti très, dernièrement. Très gangsta. On en parlait avec, avec Maxime Pronovo il y a quelques semaines de cet album-là. Oui, Maxime Pronovo qui va d'ailleurs venir avec nous pendant l'émission. Quel lien incroyable. Avant les Beastie Boys, c'était Miracle Fortress avec Everything Works en position numéro 16 sur l'album Was I The Wave. Tout à l'heure, on va entendre des pièces qui ont bougé. Donc, on a terminé les nouvelles entrées pour l'instant. C'est fini, on boucle ça. C'est derrière nous. On va les réentendre seulement dans deux semaines dans la prochaine édition du Palmarès anglophone. Parce qu'évidemment, c'est franco la semaine prochaine. Avant de continuer avec le palmarès, par contre, Marie-Pierre, je sais pas si, en fait, ben, t'écoutes pas C'est Fou depuis très très longtemps. T'es pas une fan depuis très longtemps de C'est Fou. Hein, mettons, j'écoute pas beaucoup la radio. C'est ça. Pour être honnête, là, j'écoute pas beaucoup la radio. C'est correct. Donc, tu connais peut-être pas DJ Ma Tante Frac, et peut-être que nos auditeurs non plus, il y en a qui s'en rappellent pas nécessairement. Il y a quelques années de ça, DJ Ma Tante Frac avait des succès, là, des bombes sur nos ondes. Ça jouait tellement, c'était tout le temps en train de jouer du DJ Ma Tante Frac. Et juste pour se remettre un petit peu dans le bain de comment ça sonnait du DJ Ma Tante Frac, on va écouter son, je crois, plus grand succès. Son plus grand succès, oui. Voici Check Ça Tourner, qu'on fait tourner dans la vie de croisière d'Assemblage Rocky. C'est vraiment bon. DJ Matan de Frac avec son vieux succès Check ça tourné dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. Ah ça, cette chanson-là, ça a marqué son époque, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais depuis ce temps-là, par contre, DJ Matan de Frac a beaucoup changé. Et il m'a envoyé un... Ben, cette personne-là, DJ Matan de Frac, m'a envoyé un vidéo sur Facebook, un vidéo personnel fait juste pour moi, parce que dans le temps, je faisais beaucoup jouer Matan de Frac et puis d'autres animateurs assez fous aussi. Mais écoutez, on va juste parler avec lui presque. C'est presque parler avec lui. Pas exactement. Il est plus tout seul là-dedans. Hey, salut Mathieu Plante! Comment ça va, Mathieu Plante? Hey, t'es le premier à qui j'envoie une vidéo personnelle juste pour toi. J'essaye ça. J'essaye quelque chose, là. Nouveau concept de scout. Ouais. Hey, non, mais en premier, j'aimerais ça te remercier pour tout ce que t'as fait dans ma carrière de débile, de ma tante frac. Là, tu vois, là, je paye bien ma tante frac. Comment ça? Ben, c'est parce que... Parce que j'ai un gars de 4 ans, puis là, ma tante frère, ça commençait peut-être à être fucké pour lui, parce que là, c'est comme une éponge, lui, là, là, il est très intelligent, puis peut-être ma tante frère, en tout cas, elle était très vulgaire, ma tante frère, puis là, dans mon nouveau concept de renard frac, j'essaie d'être un petit peu moins vulgaire. J'essaie d'être grivois. Puis là, je t'envoie une vidéo juste à toi, ma tante, Mathieu Plante! Juste à toi, pourquoi? Parce que j'essaie... d'être décousu. Ça, c'est super bon là-dedans, d'être décousu. T'es le premier, là, je suis pas préparé, là. T'es le premier, j'ai envoyé, là. Je l'ai-tu déjà dit, ça? Ouais, je l'ai dit. J'essaie de faire ce cours, mais je serais pas capable. Fait que là, je suis devenu Renard Frac, un scout, qui t'envoie une vidéo juste à toi, Mathieu Plante. Là, faut que je te remercie, c'est ça. OK, faut que je te remercie. Merci pour tout ce que t'as fait dans ma carrière. Non, sans joke, dans mes archives de MP3, là, d'affaires qui sont arrivées sur Internet, de radio pis tout ça, ben il a, tu reviens souvent. Fait que je dis, il aime ça, mes affaires, pis il est fin. Oups, OK, là, il a dit, ben, hey, on est en train de mixer, là, justement, là. Moi, je voulais sortir mon album, là, au printemps, mais il sera pas prêt. Parce que mon mec, mon monsieur qui mixe, là, super hot, Peter Van Otfink, il est super gros occupé, travaille à temps plein au studio Apollo, où je suis présentement, puis on voulait sortir ça, là, mais je pourrais pas. Il va sortir l'album au complet à l'automne de Renard Frac d'affaires de scout, que tu verras bien c'est quoi. Puis si tu vas un peu sur mes affaires, tu vas comprendre un peu c'est quoi. Là, je me dis, si, admettons, je t'enverrais deux tounes, là, que peut-être que tu pourrais mettre sur Internet, qu'on rapporte tout de suite avec l'eau, l'aquatique, le scoutisme, le plein air, mais qui sont niaiseux en même temps, mais qui sont super bien produits, ces affaires les plus mieux produits que j'ai jamais faites de ma vie. Là, les deux tounes, il y en a une, c'est sous l'effet de la vague. Sous l'effet de la vague. Tu sais, t'as pas eu-tu? Mais, non, mais ça se tient, c'est quand même gentil, tu sais. Puis l'autre, c'est Le Sal Wave. C'est tout en français, que t'as pas. C'est, quand j'ai envoyé ça au mastering, ça s'appelle La Sal Wave, mais je l'ai envoyé à New York, à Mr. Fallone. Puis lui, il a renvoyé la wave que ça s'appelle Le Sal Wave. Elle va s'appeler de même. Là, c'est une tune avec un wall de guitare, mais qui parle de l'été. Puis, faut que j'y sorte là, les tunes, puis que je fais comme un hippie. Un hippie internet, juste pour toi! Ben non, je vais l'envoyer à d'autres amis là, qui m'ont aidé dans ma carrière. Je vais sûrement l'envoyer à Danny Janvier aussi, à CISM, à je sais pas qui encore à CISM, là, faut que je check mes notes. Mais peu importe, le premier, c'est toi, Mathieu Plante. Mathieu Plante, j'aime ça. Fait que, y'a-tu d'autres choses à dire? Ah oui, ben qui c'est qui joue de la guitare de mes affaires? C'est Guillaume Lessard. Il m'a aidé aussi beaucoup à faire des mélodies. La plupart des mélodies, ça vient de moi et de lui ensemble, tu sais. Guillaume Lessard, qui est dans Skier Fuel, qui est Dwicky. Guillaume Lessard, qui est Ronnie Rod aussi, hein, qui est dans Old School Johnny. Qui fait la base? La base, c'est Quenouille de Tempête. Je sais pas si ça dit quoi, en tout cas, c'est pas grave. Non, mais il y a du monde hot, là, cet album-là. Puis moi, je chante avec Guillaume, puis avec des fois Quenouille. Fait que, je pense pas mal ça. J'ai pas écrit de notes, rien, je suis pas préparé. Puis c'est une vidéo. Ah, ben là, l'archive est là en bas. Je ne sais pas si ça va marcher. Je t'ai envoyé deux grosses waves hein, qui viennent juste d'être masterisées à New York quand même. N'importe quoi. Non, c'est vrai, c'est New York. Ah ouais, je sors de l'argent de mon portefeuille. Je veux que ça sonne ultra bien. Tu sais, je veux qu'on oublie ma tante Frac et toutes ces niaiseries et qu'on pense sérieusement à Renard Frac. Que ça! Tout l'été, on parle rien que de moi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu Plante? C'est ça quand t'écris pas de notes. Décousu, ben, download le zip. J'ai même fait là, les icônes des MP3. Il y a un Wave, le Sound Wave, il y a le MP3, super haute qualité. Il y a le sous l'effet de la vague. Puis là, dis-moi, réponds-moi, me dis, ça marche-tu, là, ce concept-là? Tu sais, si, admettons, tu downloads rien que ça, tu peux-tu mettre ça à la radio? Tu sais, c'est fou. Moi, je capote, c'est fou. Moi, je veux rester à Trois-Rivières, c'est ma blonde qui veut pas. C'est assez clair, ça? Il est en train de mixer la nouvelle tune qui va être une nouvelle version du Pamplemousse. OK, je t'envoie ça, là, demain à lundi. Tu vas sûrement être en congé, tu me diras si c'est complet. Genre. OK? On s'écrit, s'il te plaît, hein? Passe-moi la radio. J'aime trop ça. Ma mère va m'entendre d'être à Saint-Alexis-des-Monts, puis elle pogne. C'est fou. OK? Bye. On est deux dans un bateau, y'a la poche bord de l'eau, puis on a de la misère à se tiendre. On est deux dans un bateau, y'a la poche bord de l'eau, puis on a de la misère à se tiendre. On est sourd, on est sourd, on est sous l'effet de la vague. On est sourd, on est sourd, on est sous l'effet de la vague. Y'en a un dans ta peau, y'en a un sur le bord de l'eau, puis on a de la misère à se tiendre. On est sourd, Les deux nouveaux extraits de notre bon ami Renard Frac, anciennement DJ Ma Tante Frac. Mais là, il l'a dit, on oublie ça, ces conneries-là, fini, ça? Hein, avec le vidéo qu'on a entendu avant, ben, tantôt, tu disais, bon, il est habillé en scout. Ouais. Et je confirme, il est habillé en scout. C'est Renard Frac, c'est un renard des scouts, là. Tout à fait. On le voit bien assis sur sa chaise. Allez voir le vidéo qui va être posté sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et on a entendu deux extraits. Donc, on a débuté avec Sous l'effet de la vague. Et tu me disais que ça rappelait les chansons à boire de, tes, de ton père. Ben, d'un oncle à ma mère. En tout cas, dans la famille, il y a tout le temps une chanson. Puis, c'est à peu près les mêmes paroles. Ouais. D'après moi, c'est un peu censuré parce qu'il y a des. Ouais. C'est un petit peu plus vulgaire que ça. Et il l'a dit en étant Renard Frac qui se dévulgariserait. Petit pot de beurre, j'étais des petits pots de beurre isolés. On a aussi entendu après ça la pièce Le Sale Wave. J'ai vraiment adoré cette pièce-là. Je l'écoute en boucle depuis que je l'ai reçue. J'adore ça. Et on va les réentendre ici à la vie de croisière d'Assemblage Requis, c'est certain. Et ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait une qui fasse une petite intrusion à quelque part dans notre palmarès francophone. En tout cas, je dis ça comme ça. Vous pouvez en apprendre plus sur DJ Renard Frac en allant sur frac.qc.ca. Et d'ailleurs, il y a un tournage du vidéoclip pour la pièce Sous l'effet de la vague qui aura lieu demain, vendredi le 3 juin, entre 16h30 et 19h au Café K.O. Ça, c'est sur Saint-Denis. Recherche Faux Soulon pour un concours de simulation de calage de bière pour une vidéo de musique de Scout Débile, un 5 à 7 au K.O. ce vendredi. Aussi, là, il dit, et je cite, « Les seuses qui ont des caméras HD avec un fichier facile à transférer, go venez, on va monter la vidéo en direct après la prise de vue. Tout ça live! » Au K.O. Donc, une belle petite activité parascolaire pour... Tout un personnage. Du scooter de venir. Absolument, on adore ce gars-là. Renard Frac, tenez-vous au courant et on espère lui parler peut-être en entrevue à un moment donné. Ah. Oh! Oh! Pour l'instant, vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis. On va continuer avec notre palmarès anglophone. On était rendu aux positions 14 et 13. Tout à l'heure, on va entendre Shotgun Jimmy avec Late Last Year. Mais là, on va en musique avec Young Galaxy et We Have Everything. Et restez avec nous parce que tantôt, on parle à Émilie Proulx. Oui! Oui! We'll be right back. 13. Shotgun Jimmy et Late Last Year en 13e position, stable du côté anglophone, bien évidemment. On a aussi entendu Young Galaxy et We Have Everything. C'est la fin de la première heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Déjà, le temps passe vite, il en reste trois. Oui, et dans quelques minutes, on va avoir Émilie Prou en entrevue. Oui, on va lui parler de son maxi qu'elle a sorti au début de l'année. On va aussi parler d'un spectacle qu'elle s'en vient faire à Trois-Rivières. Donc, Émilie Prou au retour de la pause. Restez avec nous. C'est la deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, on est en croisière comme ça tout l'été et les jeudis après-midi. On a du plaisir. Dans quelques minutes à peine, on va parler avec Émilie Prou de son maxi, entre autres, Montagne russe, Mini Tsunami. On va aussi parler d'un spectacle qu'elle s'en vient faire à Trois-Rivières, mais on va commencer en écoutant la pièce titre de ce maxi. Voici Montagne russe, Mini Tsunami d'Émilie Prou au 89.1. Montagne russe, mini tsunami. passe même les regrets. Le temps se faufile entre nous. Et même Augustin revient pas. Les rides qui s'installent partout. La pièce Montagne russe, mini tsunami d'Émilie Proulx, l'auteur-compositrice multi-instrumentiste qui sera en spectacle à Trois-Rivières ce soir, jeudi 2 juin, au Café Bar Le Zénob. On lui parle d'ailleurs en direct par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Ben, merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore fans d'Émilie Proulx, on dit que tu as des influences particulières, un mélange d'influences francophones et américaines, mais dans tes mots à toi, comment tu décrirais ce que tu fais? Je trouve que le terme folk rêveur ou dream folk résume assez bien l'histoire. C'est très folk là, guitare acoustique et compagnie, dans un style un peu américain. Je suis une grande fan de Neil Young entre autres. Mais ça se passe en français, puis c'est ça. J'ai une musique qui est très personnelle. Je dirais mes textes sont souvent introspectifs, contemplatifs. Souvent mélancolique, là, ça résume un peu la question, mais il y a tout le temps un côté rêveur un peu planant aussi dans les textures urbaines, atmosphériques, donc c'est ça, je dirais folk rêveur. Donc tu me dis que tu aimes beaucoup le folk, tu as des influences folk, est-ce que ce serait, et bon tu me dis, c'est ça, influence folk, texte intimiste, est-ce que c'est le choix de la musique folk qui t'a poussé à écrire des textes plutôt intimistes, ou ce serait les textes intimistes qui te pousseraient à écrire de la musique folk? Ouais, je dirais que ça part plus des textes, parce que souvent c'est tellement justement personnel que je ferais ça avec un gros orchestre puis quelque chose d'épique que ça aurait vraiment pas de bon sens. Tu sais, j'aime ça quand il y a un lien entre la musique et les textes, c'est sûr. Mais ça part aussi du fait que je suis une mélomane finie. J'écoute beaucoup de musique, donc c'est un mélange de ben des influences, mais souvent des trucs assez acoustiques, assez relax, là. Qui fit pas mal avec le genre de personne que je suis, là. Ouais. Je disais New York, mais aussi des groupes comme Iron and Wine ou des trucs comme ça, c'est quand même des bonnes influences pour moi. Mm-hmm. Le côté bien relax puis intimiste, là, définitivement. Ouais. Avant ce maxi-là, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ta carrière, ce que tu as fait avant? Tu fais de la musique depuis combien de temps? Depuis à peu près toujours. Mais bon, le parcours habituel là, de jouer du piano enfant, de la guitare ado, etc. Mais j'ai sorti un premier mini-album en 2007, un album complet en 2009. J'étais à ce moment-là signé avec la confiserie. Et me voilà de retour comme artiste indépendante. Et j'ai sorti au début de l'année un mini-album. Sinon, je suis aussi musicienne dans d'autres formations. Je joue avec Antoine Corriveau de Trois-Rivières. Je joue avec Geneviève Toupin, entre autres. Donc, j'essaie de varier mes activités un petit peu, puis en musique. Mais c'est ça, je fais de la musique depuis à peu près toujours, mais ça se... J'en fais de plus en plus, je dirais. Là. Ça occupe pas mal mes semaines ces temps-ci. Marie-Christine Blais, chroniqueuse à la presse, avait dit de, avec l'ancien ton album précédent, paru en 2009, dans les plus belles paroles, dans ses choix d'albums. Mais qu'est-ce que tu me dirais? Est-ce que tu as des influences littéraires, de la poésie ou. Oui, bien, absolument. Au départ, il y a Richard Desjardins, de qui, il y a une couple d'années, j'ai vraiment étudié les chansons en profondeur parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration pour sa sensibilité puis son intelligence en même temps, puis le côté sérieux, touchant, mais drôle en même temps. T'sais. C'est quelqu'un de très habile à sur tous ces aspects-là. Donc, je dirais lui, mais sinon, je lis de la poésie aussi. J'aime beaucoup Hélène Dorion. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a une certaine influence sur mes textes des dernières années. Des fois, juste une phrase ou un mot qui avait une certaine résonance, je dirais, avec ce que je vivais ou comment je me sentais, puis duquel j'ai pu écrire des textes de chansons, dans le fond. Là. Parce que c'est toujours ça un peu le point de départ, c'est mes états d'âme, mes états d'esprit, un petit peu, ça part toujours de ça, puis souvent ça déborde de la réalité complètement à un certain point, mais ça part tout le temps de quelque chose de vrai, personnel, en général, en tout cas. Mm-hmm. Ben justement, c'est ça, les paroles sont tellement importantes dans ta musique, mais tu as beaucoup de fans anglophones. Est-ce que c'est parce que le style musical les rejoint plus ou est-ce qu'ils comprennent pas, mais pour eux, c'est comme de la belle musique, c'est tes parents ou quoi? Oui, mais je pense que la langue française a des sonorités qui sont intéressantes, même pour quelqu'un qui comprend pas. Puis pour eux autres, ça sonne peut-être un peu exotique. Tout en, tu sais, j'ai des instruments, j'ai le banjo, mettons, ou l'abstil, c'est tellement typique américain, si on veut anglo-saxon en tout cas, qu'elles sont quand même en terrain connu, je pense. Mais c'est ça, c'est que oui, les textes sont importants, mais on travaille aussi à avoir des arrangements qui sont intéressants puis qui fonctionnent d'eux-mêmes, même si quelqu'un ne comprendrait pas ou n'entendrait pas les paroles. Des fois, dans un spectacle, on n'entend pas toujours tous les mots ou on est dans un endroit bruyant, mais il faut qu'il y ait d'autres aspects, je trouve, qui viennent chercher les gens, là, tu sais. Peut-être aussi souvent de mettre un peu plus de lumière dans les arrangements, quelque chose d'un peu plus léger, parce que souvent les textes sont un peu lourds, fait que ça crée comme un équilibre, sans dénaturer les chansons. Tu sais. Donc, tu mises sur l'ambiance. Oui, souvent, c'est ça le côté planant, là, je dirais. Je peux pas dire j'adore ce mot-là, mais c'est quand même un des meilleurs pour décrire le feeling, je pense. Là. Hors sujet complètement, t'as quitté Montréal en 2010 pour retourner vivre en région. Donc, oui. T'habites où maintenant et pourquoi est-ce que t'as pris cette décision-là de déménager? Ben, je suis au centre du Québec, juste sur la rive sud de Trois-Rivières, en fait. Puis, ben, je suis native de cette région-là, tout simplement. Puis, autant j'aime la ville, je me suis jamais habituée tant que ça. Fait que la campagne m'a tout le temps manqué. Fait que je suis juste de retour à mes origines, si on veut. Puis, à une vie qui me donne peut-être un petit peu plus de temps pour écrire aussi ce qui est un des aspects les plus importants de ma vie, là, dans le fond. Là. C'est ça qui me rend heureuse. Fait que j'essaie d'en faire le plus possible. Puis c'est ça, la vie en campagne me permet ça. Quoique, je suis assez souvent rendue en ville de toute façon. La musique, c'est pas évident, mais ça se passe beaucoup à Montréal, malheureusement. Et heureusement, pour le meilleur et pour le pire. Justement, ta chanson « À l'envers », est-ce que c'est un peu de ça qu'elle parle, le départ de Montréal? Oui, absolument. Je l'ai écrit juste avant de partir, dans le fond. Puis c'était un peu mon moment au bout du rouleau, là, où je dis comme au revoir aux aspects de Montréal que j'aime moins. Parce que c'est pas évident, je vivais quand même au centre-ville. Puis, tu sais, tout le temps, je sais pas, les itinérants, entre autres, au-dessus le poids de ma porte, quasiment, à un moment donné, ça devient un petit peu lourd, là. Ouais. Surtout quand t'as grandi, puis t'as un champ derrière chez vous. C'est comme le contraste, c'est assez... Oui, il n'y a pas d'itinérant dans le champ, en général. Non. Pas supposé. Et c'est ça, t'as enregistré ton maxi, Montagne Russe Mini Tsunami, dans ta maison de campagne, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. En fait, je parlais de Neil Young tantôt, mais l'année passée, j'ai lu sa biographie, puis ça a complètement influencé la manière dont on a fait l'album, dans le fond, en termes de philosophie de la musique, si on veut, là, d'aller chercher, d'enregistrer le plus live possible, entre autres, dans un endroit qui n'est pas nécessairement tant parfait acoustiquement, mais qui induit la bonne vibe, si on veut, vraiment miser sur... justement l'ambiance, l'atmosphère, d'aller chercher quelque chose de vivant puis touchant. Puis on a fait ça dans le fond à la campagne, on enregistrait tous les instruments en même temps, les prises de voix en même temps que les prises d'instruments. ça donne un côté imparfait que j'aime bien, mais aussi bien, c'est ça, vrai, puis vivant, si on veut, là. Donc, j'étais bien fière de la manière dont on avait travaillé, du résultat surtout, en fait. Mais c'était très le fun aussi, donc ça, c'est toujours cool quand on sort d'une production d'album, puis c'était pas juste pris la tête, là, mm-hmm. C'était comme fait entre amis, dans le plaisir, c'est tout le temps le fun, puis ça se reflète beaucoup dans le résultat que ça donne, je trouve. Il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Mais j'imagine, en enregistrant comme ça, ça intègre, ça permet à l'auditeur d'entrer dans cette ambiance-là plus facilement que si c'était enregistré en studio. Oui, c'est ça, il y a une froideur qui est moins là, tu sais, il y a une distance... moindre, je dirais, comme tu dis, entre la vérité. Puis ça sonne comme moi dans mon salon, c'est moi dans mon salon. Tu sais, c'est vraiment... en tout cas, il y a quelque chose de bien intimiste, puis très près de moi, dans le fond, dans la manière dont on le fait, l'album, là, ce qui est très, très cool. Oui, ben justement, vous avez fait un maxi. Est-ce que vous allez travailler de la même façon pour un CD complet à venir? C'est certain que je vais retravailler de la même façon, mais je sais pas si ça sera pour un album complet ou pour un autre mini-album. T'aimes ça, les mini-albums? Oui, c'est ça que j'ai réalisé. J'aime ça comme mélomane, comme fan, mais j'aime ça aussi pour faire la production. Je trouve ça... ça va assez vite. Ça permet de travailler rapidement et de rester dans quelque chose d'assez spontané plutôt que d'enregistrer des chansons que j'ai écrites, mettons, il y a 3 ans. Là, c'est comme... Ça permet d'aller plus vite, puis... c'est moins lourd vu qu'il y a moins de, moins de chansons puis tout, puis c'est suffisant quand même pour créer une petite bulle puis vraiment bien piger, je pense, tu sais. Ouais, je pense que les gens aiment ça en avoir plus souvent, c'est un petit peu moins mais plus souvent que de devoir attendre. Oui, donc, exactement, puis surtout que l'industrie change tellement que tu sais, il faut essayer de proposer quelque chose de nouveau, puis le mini-album, j'invente pas ça, c'est pas nouveau, mais quand même il y a un petit on cherche des nouvelles manières d'aller chercher le public puis d'intéresser les gens. Ben, il y a un petit peu de nouveau. Juste, je disais qu'il y avait la possibilité d'acheter ton album au spectacle avec 4 pochettes différentes. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais pour donner quelque chose de plus aux gens. Oui, exactement. Parce que sinon, cet album-là, il est sorti en numérique seulement. Okay. C'est possible de le télécharger ou d'acheter l'édition limitée en spectacle. Puis c'est une édition limitée avec des vraies photos dedans. Il y a quelque chose de très spécial. Donc oui, c'est ça. Tant qu'il y a juste sorti un album normal, essayer de faire plaisir aux fans, dans le fond, qui sont vraiment intéressés par les tripeux d'albums physiques, si on veut, en avoir pour leur argent avec cette édition limitée, là. Ouais, puis d'ailleurs, ça commence à faire longtemps quand même, mais tu as lancé ce CD-là au jour de l'an en disant que c'était symbolique. Pourquoi est-ce que c'était symbolique? Ben parce que c'est un peu un geste anticommercial, tu sais, le 1er janvier à minuit, il n'y a personne ou presque devant son ordi en train de télécharger de la musique, tu sais, tout le monde est, je sais pas, mais c'est aussi symbolique de l'année qui commence, puis tout, mais c'est l'idée de faire les choses un peu différemment de tout le monde, puis d'essayer des nouveaux trucs, puis... Ça a fonctionné parce que ça a attiré de l'attention médiatique juste parce que c'était le 1er janvier. T'sais, c'est juste une date parmi tant d'autres, mais ça fait différent. Puis c'est le fun, c'est drôle aussi. C'est juste, on ne prend pas ça très au sérieux non plus. Fait que pourquoi pas? C'est un peu ça des fois qui motive mes décisions. C'est comme, ben pourquoi pas? On l'essaye et on verra bien qu'est-ce que ça fera. Ben oui. Là, tu t'en viens en spectacle à Trois-Rivières? Oui. Oui, est-ce donc, que tu vas amener... Ce soir... Vas-y. Ce soir au Zénob, je vais être en duo avec mon ami Olaf Gundel, mm-hmm. qui est multi-instrumentiste. Puis on présente les chansons de Montagne Russe, Mini Tsunami, et puis des plus vieilles pièces aussi. Oui, est-ce que tu vas faire des reprises aussi? Parce que tu en fais des fois dans tes spectacles. Absolument, ça va être des surprises. Oh. Il y aura 3 reprises. Oh, pas trop de punch quand même, là. Non, c'est ça, il faut être là pour les entendre. Mm. Aussi, tu vas être au Francofolie le 11 juin. Est-ce qu'on se trompe? C'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Je vais être en plateau double avec Geneviève Toupin, que j'accompagne dans son projet, qui m'accompagne dans le mien souvent. Et puis là, on monte un gros show avec le matériel des deux projets, si on veut, avec 2 musiciens en plus. Donc, un plateau double qui s'appelle en fait L'Horizon à l'envers. C'est vraiment un gros trip de folk, là. C'est ça, Geneviève a un côté un peu plus lumineux que moi, puis on trouvait que ça faisait vraiment un excellent match en spectacle là, de se promener d'un univers à l'autre. Ça fait vraiment un bon mélange. Donc le 11 juin au Francofolie, c'est gratuit, ça va être à l'extérieur. En fait, sous la tente de Petit Slam. Et c'est pas ta première fois au Francofolie? Non, j'ai joué l'année passée sur une scène extérieure aussi avec un spectacle complet de mon propre projet. Puis... les francopholies, parce que c'est vraiment un public, de, surtout pour les shows gratuits, là, de gens qui veulent découvrir des trucs, puis c'est très le fun en général. Hein. Mm-hmm. Tu parles de ta propre musique, et tu parles aussi d'un projet connexe avec Geneviève Toupin et avec Baptiste aussi en même temps, c'est ça? C'est quoi, en fait, en ce moment, je suis plus dans ce projet-là. Okay. Je sors d'une période où j'avais beaucoup, beaucoup d'affaires, puis j'ai été obligée de mettre une couple de projets de côté pour justement focusser plus sur le mien. Mais ça continue, ce projet-là. Geneviève et Baptiste ont encore un band qui s'appelle Orphan Line. Et à suivre. C'est un projet anglophone, pop, folk, très intéressant d'ailleurs. OK. Tu as enregistré un vidéoclip pour la chanson Nulle part. Oui. Est-ce que c'était ton premier vidéoclip? Mon deuxième. Il y en a un pour la chanson Demain peut-être aussi sur mon album précédent qui a été tourné à ma maison de campagne. Donc, s'il y en a qui sont curieux de voir l'endroit, on le voit dans le clip de Demain peut-être. Puis sinon, pour Nulle part aussi, pour les deux clips, j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Pierre-Luc Racine, qui est bourré de talent, puis qui travaille super bien. Ça a donné vraiment dans les deux cas, je trouve, quelque chose d'un peu magique. Là. Moi, j'étais pas très confortable avec l'idée d'être devant la caméra. Là. C'est pas super naturel pour moi, puis avec Pierre-Luc, ça a tellement bien été, puis ça a donné quelque chose de très beau, je trouve. Mmh. Donc, comme on disait, on peut se procurer ton album seulement en format numérique sur iTunes et sur Bandcamp. Il y a un format physique disponible lors des spectacles encore? Est-ce que c'est encore le cas? Oui, il me reste des copies. Ça fait que si ça vous intéresse, c'est ce soir que ça se passe à Trois-Rivières. Parfait. Donc, on rappelle l'endroit et l'heure? Oui, le Zénob à 9h ce soir. Parfait. Et on va te laisser choisir une pièce de ton maxi Montagne russe, Mini Tsunami, n'importe laquelle, peu importe la durée, peu importe que l'ambiance. Tu penses que ça devrait peut-être pas nécessairement jouer à la radio, n'importe laquelle. OK, ben j'irai avec la pièce Nulle part. Parfait, on va écouter ça. La pièce du clip. Merveilleux. Donc, Nulle part d'Émilie Proulx, on écoute ça à l'instant. Et merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. À bientôt. Salut. À la prochaine. Et le spleen de nos Le ciel s'est défait. Nous, on n'a juste rien vu. J'ai fermé la porte. Je suis rentré dans. Croisière, Assemblage, requis, c'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Ah, tu pensais pas que je te forcerais à ressortir sur le beau petit bateau à l'extérieur? Et non. Eh oui, ton mal de mer n'arrêtera jamais. Tantôt, on recevait Émilie Proulx. Pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus, son site, c'est emilieproulx.com. Vous pouvez aussi la suivre sur Twitter, c'est @EmilieProulx. Ou encore sur Facebook en cherchant Émilie Proulx. Hein. Je pense que les façons sont pas mal toutes évidentes, mais quand même, ça valait la peine de le dire. Et on rappelle qu'elle est ce soir en spectacle au Café-Bar Le Zénobe à 9h. Donc, ce soir, le 2 juin à Trois-Rivières et le 11 juin au Francofolie. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir en spectacle, c'est là que ça se passe. Il n'y a pas de raison de la manquer, quand même. On retourne notre palmarès anglophone dans le top 20 pour la période du 23 mai au 5 juin 2011. Tout à l'heure, on va entendre Chromeo en 11e place avec Don't Turn the Lights On. Et on va tout de suite entendre The Megaphonic Thrift avec Talks Like the Weeknd. Toujours le fun à dire, ça, The Megaphonic Thrift. Hein? Toujours un beau petit défi. On dirait que t'as fait du script pour me le faire dire. Hein? Je ne dirai jamais ce que j'ai fait. Fade. wonder what you'd say. It's taking me back to the month of May. And I watched you do it. Alright. Thinking back to what we shared. In many ways, I'm already there. And I watched you do it. Don't turn the lights on. Without you there, and only those who hurt you will say patience is a virtue when it's been so long. And I can't think about it. No, I can't figure it out. 'Cause just how real you feel, and every time that you appear, it leaves no room for doubt. Makes me wonder what you say. It's taking me back to the month of May. When I watched you do it. Alright. I'm thinking back to what we shared. In many ways I'm already there. And I watched you do it. Don't turn the lights on. Montée de 5 places pour la pièce Don't Turn the Lights On de Chromeo. C'était nouveau la semaine passée sur l'album Business Casual. Ouais. De toujours à la vie de croisière d'assemblage requis sur CFU 89.fm. C'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, et Mathieu Plante. Oui. Dans une vingtaine de minutes, on va parler avec Catherine et Mathieu de Tricot Machine. Exactement. Qui sont porte-parole pour le moratoire. Attendez que je vous lise ça comme il faut, là. Pour le moratoire sur les gaz de schiste, ils vont donner un spectacle pour l'événement au Zénob dimanche le 5 juin. On va leur parler de ça tout à l'heure par téléphone. C'est bien? Oui, c'est très bien. On va aussi parler plus tard avec Dallas Green de City and Color en anglais. En anglais. Hein? En anglais, tout à l'heure dans l'émission. On va aussi recevoir Marc-Antoine Lavoie qui va nous parler de sport ça va être dans la dernière heure de l'émission. Et Maxime Pronovo aussi. Oui. Et Simon Fitzbé. Et Simon Fitzbé. Et il s'en fait du matériel pour encore un petit 2h15 environ. à cette émission-ci. Donc, on doit se dépêcher, étant donné le contenu qu'on a aujourd'hui. Donc, on va y aller avec les positions 10 et 9. Commençons avec Buddy McNeil and the Magic Mirrors, qui monte de 10 places avec Octopus Hop, et ce sera suivi de... We Are Infant Terrible avec Make You Laugh en 9e position. J'adore ça. Infant Terrible. Infant Terrible. Toujours d'excellents blogs de palmarès dans la vie de croisière d'assemblage requis tout l'été. Est-ce qu'on se surprend à aimer ça à chaque fois, comme si c'était la première fois qu'on l'entendait? Ah, que je trouve ça cute, moi. Personnellement, là, je trouve ça mignon. Pas toi? Non. Bah, ça dépend de quoi tu parles. Okay. Je parle de We Are Enfants Terribles avec Make You Laugh. Tu parlais du nom. Et de la pièce. OK, OK. Tout ça est mignon. Ça descend d'une place. Et oui, moi, les enfants terribles, qu'ils soient terribles ou pas, je les aime, les enfants. J'aime ça, les enfants. C'est donc gentil. Ouais. Toujours si naïf. Un peu comme les deux du duo Tricot Machine, à qui on va parler tantôt, qui sont naïfs. Dans leur musique. Oui, dans leur musique. Pas dans la vraie vie, parce qu'eux, ils ont des opinions envers différents sujets controversés, dont les gaz de schiste. Oui. C'est de ça qu'on va leur parler. Exactement. Hein, c'est un beau lien quand même, hein? Non? Douteux, c'est correct. Avant, on a entendu Buddy McNeil and the Magic Mirrors avec Octopus Hop, un gros succès là, qui a monté la moitié du palmarès de la 20e à la 10e. Non? Oui. Non? Pas d'accord avec moi? Je dis n'importe quoi? Non? Ça a monté de 10, c'est ça? Non? possible. On va passer à un autre bloc de palmarès tout de suite. On va entendre les 9e et 8e. Tout à l'heure, non, on va aller avec les 8e et 7e, oui. Tantôt. Exactement. Tantôt, il va y avoir Ringo, Dead Star avec So High. Et là, ça va être Tokyo Police Club avec Wait Up. Tu vas me renseigner sur ce que j'ai dit pas correct? Je mélange. Ah, d'accord. oui, Rigo Dead Star avec So High, ça descend de 3 places en 7e position anglophone. Je pense que c'était même mon « Ah oui, je cherche le nom sur ma feuille pendant 2-3 secondes, mais ça paraît pas du tout. » T'aimais ça, hein? Intéressant. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de la deuxième heure d'Assemblage Requis. On a une troisième et une quatrième heure, mais dans la troisième particulièrement, on va avoir l'entrevue avec Catherine Beaumont et... Catherine Leduc et Mathieu Beaumont. Il n'a peut-être pas encore pris le nom de famille de son copain. Pour parler des gaz de schiste tout à l'heure, en début de troisième heure, on va aussi recevoir, et je l'ai aperçu dans la fenêtre... Là, il est plus... Colin! Hey, il est bien habillé avec une cravate et tout. Colin, la classe, toi! À l'émission, on mérite pas ça. Hey, il va nous parler de choses geeks tantôt dans sa chronique, le scoop des internets, ça s'en vient. Et nous, on va être là encore. On va être là encore. On va rester un petit peu sur le devant du bateau, se faire... Bronzer? Bon, moi, mettons. C'est fou pour l'écouter. C'est certain qu'on avait parti un running gag. La semaine passée, tu dansais le robot sur la chanson thème. Tu nous amènes pas une nouvelle sorte de danse. Je me suis retenue. J'y réfléchis. Je vais en apporter une nouvelle tantôt. C'est ça. Il te reste encore un petit 2 heures pour y penser. Ouais, je vais peut-être apporter celle de Cricket Rockwell. Ah oui? Peut-être. Ça fait longtemps dans ma tête, je m'en rappelle plus. Il va falloir que je la voie pour savoir, pour m'en rappeler. Dans quelques minutes, on va parler avec Catherine Leduc et Mathieu Beaumont. J'en parle depuis quand même quelques temps. Les deux de Tricot Machine qui sont porte-parole pour la marche moratoire sur les gaz de schiste. On va leur parler dans quelques minutes à peine. Mais avant ça, juste, on a assez de temps dans l'émission d'aujourd'hui pour écouter une pièce de Tricot Machine parce que c'est toujours tellement bon. Et sur leur plus récent album, La Prochaine Étape, on retrouve un classique des Palmarès C'est Fou. Classique, c'est avec une petite étoile à côté, c'est relatif quand même, mais classique des Palmarès. Voici donc Tricot Machine et Un Bout ensemble. Si tu penses à peu près comme je pense, on peut faire un bout ensemble. Si je danse à peu près comme tu danses, on peut faire un bout ensemble. Transforme en amour de temps en temps. On raconte même que c'est comme ce qu'on fait des enfants. Oh, oh, oh, oh. Si je chante moins bien que tu chantes, est-ce qu'on fait un bout ensemble? Tricot Machine et la pièce Un Bout ensemble sur leur album La Prochaine Étape. La prochaine étape pour Catherine Leduc et Mathieu Beaumont, Tricot Machine, c'est une marche. Oui. Contre les gaz de schiste. Et donc, ils sont porte-parole pour cette marche de moratoire-là. Ils vont être en spectacle au Zénob ce dimanche, le 5 juin. Et on parle à Mathieu Beaumont par téléphone. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui. Oui. On a, premièrement, une drôle de question. On a beaucoup entendu parler des gaz de schiste, mais il y a probablement des personnes qui se demandent encore c'est quoi exactement un moratoire et c'est quoi le moratoire d'une génération? Parfait. Ben, moratoire d'une génération, c'est un mouvement citoyen qui a pris forme durant la tourmente de tout ça, les gaz de schiste, là, durant les audiences du rapport du BAP. Puis c'est des citoyens qui se sont dit que ça vaudrait la peine de demander un moratoire d'au moins 20 ans sur toutes les énergies sales, gaz de schiste, pétrole et nucléaire. Parce qu'avec le gouvernement qu'on avait présentement, on n'était pas très rassurés. Nous, on disait qu'ils travaillaient plus pour les compagnies que pour le peuple comme tel. Puis en fait, c'est quand le BAP a remis son rapport, je crois que c'était la fin du mois de février dernier, la campagne moratoire d'une génération, eux, lançaient un ultimatum de 2 mois au gouvernement pour faire un moratoire de 20 ans. Sinon, il allait avoir une marche qui allait s'enclencher. Puis c'est ça qui s'est passé. En fait, le 16 mai dernier, on a débuté une marche à Rimouski devant les bureaux de Petrolia. Cette marche-là va se terminer le 18 juin devant les bureaux d'Hydro-Québec à Montréal. Puis là, en fin de semaine, les marcheurs sont à Trois-Rivières. Ils vont s'arrêter au Zénob. Puis pour l'occasion, on va faire un petit spectacle avec des artistes d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, c'est qui participe à la marche? Est-ce que c'est n'importe quel citoyen qui veut y participer? Est-ce qu'on peut embarquer comme ça, par exemple, le 5 juin, décider d'embarquer? Ben oui, c'est ça. On invite tout le monde à participer à la marche. Nous, on va partir dimanche le 5 du Parc Pidouze vers 15h pour se rendre au centre-ville puis finir la marche au Zénob. Mais sinon, là, présentement, les marcheurs, je pense qu'ils étaient à Saint-Pierre-les-Béquets ce matin. Ils vont être rendus en fait, demain, on va être à Bécancour. Nous, on va les rejoindre à Bécancour, puis on invite tous les citoyens. Après, ça continue à Nicolette jusque dans la Montérégie. Puis le but, c'est ça, en fait, c'est que chacun vienne faire son tour pour protester un peu, puis apprendre aussi là-dessus, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de comment ça se passe, puis comment c'est géré. Donc, de pouvoir marcher avec des gens qui sont au courant de ce sujet-là, ça peut aussi, c'est de l'enseignement un peu, là. Puis est-ce que vous êtes une bonne gang à marcher? Beaucoup de gens? Ouais, des fois, ça dépend. Là, quand on est parti de Rimouski, on était près de 200 personnes. C'était quand même impressionnant. C'est sûr qu'il y a des petits villages, des fois, où il y a un peu moins de gens, mais il y a toujours un bon noyau d'une cinquantaine de marcheurs qui sont là depuis le début. Nous, on a fait la première semaine, puis là, on a hâte de les retrouver. Ils doivent être bronzés ou mouillés, je sais pas. Il y a plus beaucoup. Il y a un chaud aussi. Ouais. Et là, tu disais que vous allez vous rendre jusqu'au Zénob pour faire le spectacle. Comment ça va se dérouler, ce spectacle-là? Qui participe à ça? Tu disais des artistes locaux? Oui, bien ça, on a des amis à nous, là, d'ici. Il y a Dan Lemay, il y a Val Salva qui vont être là, les frères Goyette. Il y a également Danny Carpentier qui va être là, de la région. J'ai des amis aussi de Montréal, Benoît Rochelot, en fait, qui vient de Trois-Rivières, mais qui joue de la musique avec nous. Puis il y a un projet solo aussi, il va venir faire des prestations en plus de jouer avec nous. Il y a Benoît Paradis aussi qui s'est déjà présenté aux Zénob. Benoît Paradis, c'est un musicien qui joue avec Bernard Adamus, entre autres. Puis c'est un ami à nous. Puis je pense que ça va être une belle soirée. Là. On devrait faire un barbecue en même temps. Puis il va y avoir de l'information au sujet de tout ce moratoire d'une génération. On invite tout le monde à venir passer la fin de leur dimanche après-midi aux Zénob. Sinon, à venir marcher puis venir faire du bruit avec nous à 15h à partir du Parc Pidouze. C'est bon, ça. Si vous arrêtez à Trois-Rivières pour un spectacle, j'imagine que pendant la marche, vous l'avez fait ailleurs et vous allez le refaire ailleurs. Oui, on l'avait fait au début, puis on va probablement participer à d'autres événements un peu plus tard durant le mois. Sauf que nous aussi, on est occupés de notre côté parce qu'on continue à faire des spectacles de notre tournée du disque La Prochaine Étape. On continue à travailler quand même, mais si on participe à ça, moratoire d'une génération, c'est pas vraiment, on n'est pas porte-parole de ça du tout. Là. On est simplement des citoyens qui ont besoin de faire leur devoir parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un dossier qui est... En fait, ça va au-delà du gaz de schiste et tout ça. C'est vraiment dans la gestion de nos ressources faites par le gouvernement. Puis des fois, on a l'impression que le gouvernement, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Puis je pense que c'est vrai. Puis on ferait mieux de le garder, notre bien, que de de le laisser pour qu'il le dilapide à leurs amis. Oui. Donc, on va rappeler pour une dernière fois la date et l'endroit de tout ça. C'est donc ce dimanche? Oui, c'est dimanche après-midi. Le départ de la marche se fait du parc Pidot. C'est au pavillon Saint-Arnaud, en fait. Puis on invite tout le monde à venir marcher avec nous. La marche va se terminer un petit peu avant 17h au Zénum. Puis là, il va y avoir des artistes qui vont se présenter. Puis des présentations aussi sur tout ce qui concerne l'oratoire d'une génération. Puis ça devrait se terminer pas trop tard, là, mais profiter de la fin de semaine pour venir au Zénum. Parfait, bon. Ça. Merci. Donc, Mathieu Beaumont de Tricot Machine pour la marche moratoire sur les gaz de schiste. On va te laisser avec un choix, en fait, à faire, une grande décision à prendre. N'importe quelle pièce de l'album, la prochaine étape que tu as envie d'entendre, qui peut-être joue moins, peut-être que tu penses que d'habitude, les gens ne la feraient pas jouer. N'importe quoi. Ah ouais, un petit peu. Je pense que j'aimerais entendre? J'aimerais entendre, en fait, Comme un accident. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Salut. Bye. Tricot Machine est comme un accident. Sans cogner, sans sonner, sans appeler. T'es arrivé comme un accident, en fermant très fort les yeux, en serrant le volant. Tu m'as frappé juste au bon moment, quand tout tenait qu'à un fil, en plein dérangement, avant que je prenne le champ. Simplement, sans comment, ni pourquoi, avec du présent, plein les bras, t'es rentré dans mon cœur, mes os, mes yeux, mon cerveau. T'es arrivé comme un accident, en faisant crisser les pneus, en klaxonnant. Ce qui dormait en dedans, il cachait sous des peut-être, mais en attendant, le jour se lève enfin, me traverse à grande course. Je m'étire, je prends mon élan et je retiens mon souffle. Je peux lâcher prise. La pièce Sun It Rises de Fleet Foxes. Dans les croisières de l'assemblage requis. Marie-Pierre. Oui. Tu sais, tu travailles fort dans la vie pour devenir geek. Oui. Un jour, tu réussiras peut-être. Et ton maître scout, si on veut, est Simon Fitzbé. Scout des internets. Scout des internets. Au scout des internets, nous nous agenouillons devant toi et nous faisons la... C'est quoi le signe? Le signe vol... C'est toujours prêt. Ouais, mais nous autres, c'est faire une église aussi. Faire le vulcain. Oui, ça, c'est geek. C'est très geek. Est-ce que tu peux faire quelque chose... Parce que je pense qu'avec les deux mains en symbole de geek, tu peux faire quelque chose de pas très... Ouais, c'est pas très catholique, ce que tu dis. Pas très catholique, en effet. Ouais. C'est ça. Donc, t'es ici pour nous parler de choses geek, technologiques, techno, tech, techie. Bien sûr. Tech toys. Ouais. C'est bizarre, j'ai pas d'écouteurs à ses oreilles. Fait que je... Tu sais pas comment arrêter de parler. Ouais, je suis pas dans le beat pis tout. Pas grave. Moi, je suis bon. Fait que je suis ma tête. Et... Ouais, c'est ça. Je regardais les mouvements de ton corps et je vais tenter de suivre. Bon. Non, plusieurs choses intéressantes. Ah, attends un peu. Je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Pis c'était pas catholique ça non plus. Hein? Ah, les mouvements de ton corps? Ou le... Les garçons, hein? Bon, ouais. Il est allé trop loin. On parle de sexe. Bon, donc, oui. Simon, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans ton émission? Dans ton chronique? Entre autres, il y a le 3 qui s'en vient bientôt et Sony, en fait, serait en train de plancher sur la PlayStation 4. Oui! Alors que le PlayStation Network revient en ligne aujourd'hui, comme tu disais. C'est très ça, bien, aujourd'hui, jeudi matin, et d'ailleurs, je l'attends depuis des semaines parce que bon, ça fait peut-être un mois que certains services, dont le PlayStation Store, où tu peux acheter des extras, des bonus. Des jeux, comme des jeux. Ça, des applications. Fonctionnait pas. Il est revenu ce matin, jeudi, et puis je suis pas à la maison pour, pour me satisfaire, m'auto-satisfaire de PlayStation Store. Tu pourras pas faire aller tes mains trop sur ton instrument de jeu. C'est ça, mon joystick. Oui, ton joystick, effectivement. Marie-Pierre pensait pas que ce serait comme ça ce matin. C'est un peu tard pour être le matin, mais c'est pas grave. Donc, c'est PlayStation 4. Oui, donc c'est des rumeurs qui entourent le E3, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'on divulgue quelque chose qui a rapport à un PlayStation 4 au E3, tandis que la Wii, on pourrait s'attendre à quelque chose de la part de Nintendo pour la Wii 2, le projet Café, là, qui appelle. Ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. J'ai même pas les dates du E3. C'est du 7 au 9. 7 au 9 juin? Oui, c'est ça. Donc, ça se passe la semaine prochaine. Ça s'en vient. Ou c'est quoi? C'est le LA Convention Center? Mm-hmm. Toujours ça? Il me semble que oui. Ça va être très intéressant. Ensuite, la semaine prochaine, je vais essayer de vous donner le plus d'updates possible. Je vais aller sur les blogs, des guides. Ah, c'est dur à suivre. J'ai essayé les années passées. J'avais CNX l'été, en particulier parce que je savais qu'il y avait le 3, donc il fallait couvrir ça. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent à le 3. Cette année en particulier, je pense que ça va être une grosse année à le 3. Mais pour ce qui est juste des jeux, tu peux suivre déjà des sites de vlogs comme Screw Attack, en fait, qui font beaucoup de vlogs autour de ça. Ils envoient une équipe complète là-bas. Il y a GameSpot aussi qui ont genre un booth, comme on dit, un bureau qui est à peu près immense. Là, un kiosque. Aussi gros qu'un kiosque de PlayStation. C'est juste des gens qui écrivent à propos des trucs de l'E3. Ouais. Donc, on peut s'attendre, comme tu disais, au projet Café de Nintendo, à la nouvelle PlayStation 4. Il y a aussi le NGP, le Next Generation Portable, la console portable qu'on surnomme PSP 2. Ah oui. J'ai très hâte de voir, avec un écran tactile à l'avant et à l'arrière de la console. Ça va être intéressant. Flotte ta flip d'un côté à l'autre. Ben, je pense que tu vas pouvoir comme toucher en arrière ou quelque chose du genre, je sais pas trop quoi. Il va y avoir aussi deux joysticks, enfin, sur une console portable. Il était temps que ça arrive, parce que pour jouer à des shooters, entre autres, pour pouvoir se viser les choses correctement, ça prend deux joysticks. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Vraiment. Pour plusieurs jeux, là, tu t'ennuies d'avoir un deuxième joystick. Hein. Oui, c'est vrai. Vraiment. Le joystick, c'est tellement... Oui, vous parlez tellement en connaissance de cause. Oui, donc le 3, c'est du 7 au 9 juin. On a très, très hâte et on va vous tenir au courant dans ta chronique. Effectivement. Ouais. Et il y a Steve Jobs également qui va reprendre du service pour lancer un logiciel. En fait, il dit qu'il va faire une sortie dans le cadre de l'Apple... non, pas dans le cadre de l'Apple, mais plutôt de la Conférence internationale des programmeurs informatiques, le WWDC. Ça va être en discours d'ouverture le 6 juin. Donc, la semaine prochaine. Et là, on s'attend à voir encore là le nuage de Apple, ouais, de services en ligne. Exactement, le Mobile Me qui pourrait être amélioré. Ça serait intéressant. Donc, on va voir ce qui va arriver. On espère que le gars va annoncer Lyon est disponible en magasin aujourd'hui. Oui, ben c'est ça. Ça va être ils vont dévoiler également les nouveaux logiciels, toutes les suites qui vont venir avec Lyon. Qui est la nouvelle version du macOS, qui est l'équivalent de Windows pour un Mac. Oui, mais attention, il va y avoir également le iOS iOS 5. Oui, la nouvelle version. Être, oui, pour le, l'iPhone, l'iPad, le ça. Donc, mm-hmm. on pourrait s'attendre à des modifications de ce niveau-là. Ça devrait être majestueux. Ça pourrait être intéressant. Donc, à suivre ça également la semaine prochaine. Il y a une étude qui est sortie cette semaine. Les cellulaires peuvent être cancérigènes. Non! Jetez-les. Non! De loin de vos mains. Non! C'est quoi ça? Ben, c'est les ondes qui ont des effets sur le cerveau, mais en fait, c'est qu'il y a des études qui se contredisent. Ben oui, si tu dis qu'il y a rien, il y a rien de concret là-dedans, tout le monde, il y a des scientifiques, ah, ça cause des problèmes. Ah, ça cause pas des ouais, problèmes. C'est ça. Ah, mais ça cause des problèmes. Exactement. Ça fait super longtemps qu'on en entend parler, mais je connais quelqu'un qui avait un... Je pense que c'était un... Voyons, comme Mathieu A. Là. Un iPhone? Hein? Oui, oui, un iPhone. Et il le tenait dans sa poche et ça avait fait une marque sur sa cuisse. Ou je ah, sais attends pas un quoi. Peu, là, faut que je jette le mien. Il n'y a pas de poubelle dans ce studio-là. Ah, non, ça tirait les mouches. Ah, mais ils disent que même avoir un cellulaire à la taille, ça peut être dangereux. Mais oui, c'est sûr. Ça peut être cancérigène. Oui. Donc, vous pouvez le tenir très, très loin. Ce que vous faites, c'est que vous tenez votre bras le plus éloigné de votre corps et avec votre téléphone toujours. Et toujours. Si vous c'est naturel. Parler, bien, gardez-le comme ça. C'est très, très naturel comme position. La ça va devenir à longue. Ouais. Oui, la kryptonite, on met un petit peu de kryptonite, comme Batman dans sa ceinture, juste au cas où Superman serait méchant. C'est ça. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Donc, voilà pour ça, les cellulaires, faites attention, faites plus attention, qu'est-ce que vous voulez. On va attendre également l'ordinateur froid hein, qui va apparaître bientôt. C'est des chercheurs suisses qui travaillent sur l'ordinateur qui refroidit. C'est un ordinateur quantique. C'est des gens de Suisse, là. C'est pas des chercheurs suisses. Je savais pas qu'on était rendu là en science, qu'il y avait des Suisses. Les Suisses. Ah, c'est vous avez des Suisses? Ah, moi, j'imaginais des chercheurs troués comme le fromage. Mais non, donc c'est ça, on travaille sur un ordinateur qui, à la place de stocker plusieurs un petit peu d'informations sur les atomes, eh bien, pourrait mettre une information, au moins une bit par atome. Donc, une bit dans chaque atome. Une bit dans chaque atome, ouais, on est très, très ça mature aujourd'hui. Ouais. Mais quand même, donc, l'ordinateur créerait du froid à la place de créer du chaud. Okay. Je suis en train de lire l'histoire du temps de Stephen Hawking. Donc, je ne suis pas encore un professionnel de la physique, mais je peux dire que ce qui est écrit là, ça a l'air vrai. Ah oui. Mais je suis pas prêt à... Combien de temps avant que ça arrive? J'ai hâte de voir ça. Moi, d'après moi, je dirais quand même d'attendre quelques années et quelques années avant de pouvoir l'utiliser également. Ça sera que ce soit abordable. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas marchandé tout de suite. Mais ça pourrait vraiment décupler les puissances de nos ordinateurs, les rendre beaucoup plus rapides, mais également beaucoup plus aptes à stocker l'information. Ce qui est bien, parce que plus l'ordinateur rapetisse, plus il perd également de capacité. Donc, c'est pas nécessairement bon. Microsoft donne un aperçu de Windows 8. Ça a apparu cette semaine, donc le futur Windows plus prochain. Oui, ils veulent combiner un peu les différentes façons de faire le Windows pour les cellulaires et le Windows pour les ordi pour avoir un seul grand Windows avec une interface qui ressemble un peu à un cellulaire. Le touch carré. Tu sais, les téléphones Windows, je sais pas si tu as vu, Marie-Pierre, là, c'est comme des petits carrés. C'est comme plein de carrés que tu peux ajuster. Puis, non, c'est pas très désolée. Beau. Sérieux, côté design, là, c'est vraiment raté. Est-ce que c'est un nouveau Nokia avec la petite antenne sur le côté? Les tuyaux non? Excuse-moi. T'as pas de téléphone cellulaire? Ah, non. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, elle a pas de téléphone cellulaire. Bravo. Tu merci, vas être la seule merci. À pas mourir du cancer parmi nous. Bon. C'est bien. C'est très bien. Mais quand même, donc, vous pouvez aller voir. Moi, je tiens l'information de CyberPress, mais il y a une vidéo aussi sur YouTube donc qui s'appelle Building Windows 8, vidéo numéro 1, où on peut voir donc ce fameux Windows 8 supposé qui devrait arriver éventuellement, qui va ressembler beaucoup à la version Windows 7 pour téléphone, qui est vraiment affreuse. Et on parlait aussi de prochain macOS qui pourrait ressembler également à ça éventuellement pour les Mac, là, un peu comme ouais, parce qu'il y a ça de transitionner. Des applications et tout. Ça non plus, je serais pas nécessairement... Non, mais j'avoue que s'il pouvait y avoir un équivalent de macOS pour vrai sur un iPad, tu pouvais faire un iPad version macOS ou avoir l'iOS 5. Ça serait beaucoup mieux. C'est combiné, avoir un seul système. Comme ça, les gens pourraient se concentrer sur faire un meilleur système d'exploitation à la place de devoir en faire plusieurs pour différents types d'appareils. Comme Windows, même chose, il faut qu'ils se concentrent. Bon, moi, je travaille juste sur le téléphone, moi, je travaille juste sur les ordi, moi, juste sur la fonction touchscreen. Non, tout le monde ensemble, meilleur produit, tout le monde est plus content. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord, mais quand même, ça crée de l'emploi. Hein. Plus il y a de départements, plus il y a de l'emploi. Oui. Je veux dire, Microsoft a quoi, 100 milliards dans leur compte d'argent courant qu'ils peuvent dépenser. Donc, ils peuvent faire du nouveau développement. De toute façon, ils ne servent pas des bons produits depuis plusieurs années. Ah, commentaire éditorial ici. Oui, ben oui. Que j'approuve et je seconde. C'est vraiment pas bon. Ben oui. Non. Faites attention à vos déchets électroniques maintenant. Ah, mais ça crée de l'emploi! Non, mais parlant de Microsoft, faites attention aux déchets électroniques. Puisqu'on dit que ça pourrait nuire à la santé, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui questionne l'impact donc, que pourraient avoir les téléphones cellulaires, entre autres, sur l'évolution du cerveau. Mais également donc tout ce qui est autour de la technologie, c'est-à-dire tous les petits produits qu'on a, il y a des choses très très nuisibles pour l'ordinateur, pour le monde. Mm-hmm. Dans les ordinateurs, là je parle du monde, je parle de la planète Terre. Okay. Il faut vraiment donc essayer de récupérer le plus possible de vos électroniques, de vos appareils électroniques. Mm-hmm. Mais il y a souvent des endroits qui peuvent les récupérer oui, aussi. Oui, exactement, les éco-centres où c'est disponible. Sinon, il y a des fois des entreprises communautaires ou des organismes communautaires qui vont récupérer les ordinateurs pour les reconstruire. Il y en a d'autres qui vont récupérer l'or qu'il y a dedans, puis un peu d'or et d'argent dans les ordinateurs. Renseignez-vous, allez voir où vous pouvez déposer vos vieux ordinateurs. À part les plus vieux, les anciens qui fonctionnent plus avec rien, il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin d'un ordinateur dans votre famille ou dans vos amis. Donc, donnez-le. Vraiment, dernier recours, allez le porter justement à un endroit qui récupère. Mm-hmm. Mais sinon, il y a toujours d'autres gens à qui le vendre ou le donner. Ouais, exactement. Ça se fait tellement facilement. Ouais. Exact. Tu vois, j'ai changé d'ordinateur, j'ai donné mon vieux à ma mère et elle est très, très contente, malgré le fait qu'il soit extrêmement lent. Ah, ça satisfait quand même son monde. Ça. Ouais, mais même c'est même les consoles de jeux vidéo, ça, tout se vend bien, toute électronique, il n'y a rien qui se vend. Ah oui, j'ai vu un PlayStation 1 au Village des Valeurs l'autre fois. Génial. Pour faire placement de produits, là, mais quand même, PlayStation Génial. 1. J'avais passé celle-là. Microsoft qui a décidé d'embaucher un pirate informatique de 14 ans. Moi, c'était mon rêve quand j'étais jeune. Je me croyais pour un pirate parce que j'étais capable de télécharger de la musique sur Internet. Celui-ci a tenté de semer la pagaille dans les serveurs de Modern Warfare 2. Et pour colmater la brèche, ils ont décidé de l'engager. Microsoft ont décidé donc de l'utiliser pour protéger ses serveurs. Si j'ai compris, il y a mille troubles et ils l'ont engagé pour qu'il règle. Exactement. Okay. Exact. C'est bien. C'est bon, mais ça. La majorité des pirates informatiques, une fois qu'ils vont passer comme leur bout donc de gloire, rebelles, ou s'ils se font arrêter également, vont se mettre à collaborer. Ils ont les connaissances pour, donc ils veulent de l'argent. C'est ça. À la base, tout le monde dans la vie a besoin d'un métier, d'un travail. Si exact. Tu peux faire ce que t'aimes en plus comme travail. Exact. C'est juste que lui commence très jeune. Oui, il commence très, très jeune. On ne sait pas si son contrat va être très long, par contre, là, mais quand même, ça a été intéressant. Et c'est peut-être quelque chose que les compagnies auraient dû faire dans les années 90 aussi, avec, entre autres, son nom m'échappe, le créateur Napster, là, qui a créé le gros programme. C'est pas Justin Timberlake ou l'autre, non? Non, c'est ça. Mais il jouait dans le film, par contre. Ouais. Il aurait pu engager ce gars-là et pouvoir donc régler plein de problèmes. Et peut-être que Microsoft, entre autres, s'il l'aurait engagé, ben, serait les géants de la musique, comme Apple l'est avec iTunes. Peut-être que Microsoft pourrait engager le gars qui a hacké le PlayStation Network pour lui demander de réhacker le PlayStation Network pour donner d'autres mois de congé à la... Ça serait une très, très bonne idée de leur part, mais stratégiquement, ils sont nuls, donc je pense pas qu'ils vont faire ça. Ça dort au gaz là-bas. Ils sont sur les grandes veilles. Incroyable. Ah, c'est une blague de geek. Mais oui. La petite fenêtre Windows qui se promène de gauche à droite. Il y a le PlayStation... pas le PlayStation Network, non. Ça c'est réglé, mais plutôt Google également qui s'est fait pirater. Mais ça fait déjà pratiquement un an et demi qu'on parle de ça. Okay. Il y a des comptes Gmail, bien souvent des ressortissants chinois qui sont piratés par la Chine. Et là, Google donc a accusé officiellement la Chine d'avoir fait ça. Et c'est Hillary Clinton, en fait, qui a peur que les relations diplomatiques avec la Chine pourraient être endommagées à cause de ces allégations-là, si elles sont fausses. Donc ça va être à suivre encore la guerre entre Google et la Chine. Ça continue. Et Google, qui a les ressources d'un petit pays, qui s'en prend à un des plus gros mondes. Donc voilà. Peut-être nous mettre dans le trouble, par contre. Mais les mettre dans le trouble. Je vous invite également à aller sur le site encore de Techno, de Cyberpresse. Ils ont fait un montage photo des images qui ont marqué Internet dans les dernières années. C'est assez intéressant. On peut avoir d'abord, tu sais, quand on se connectait avec un modem, nous, on avait genre l'ordinateur relié au téléphone, relié au fil électrique qui était relié à un autre téléphone puis à un autre ordinateur. Vous pouvez avoir ça. Connexion par modem également. Il y a le premier. Première version de Craigslist.org qui était très très laide, un peu comme n'importe quel site. Ouais, ils sont maintenant très gros, mais qui avant étaient vraiment affreuses. Le lancement de Windows 95, Alta Vista. Est-ce que vous vous rappelez de ça, Alta Vista? Oui. Mathieu, tout ça. Oui, web crawler ou non? Oui. Oui. Oh, Alta Vista qui était un chercheur. Un engin de recherche. Un suisse de recherche. Oui. D'ailleurs, est-ce que ça a été les premiers, je crois? Parce que c'était les premiers à pouvoir faire des recherches dans les les nouvelles, dans les photos, dans les sites internet, je crois. En tout cas, ben, c'est ce que j'utilisais moi, lorsque j'ai commencé. Moi, j'utilisais ça aussi. Ouais. C'était très intéressant. Les bonjours de Geocities. Oui, aussi, oui. Qui sont fermés. C'est fermé maintenant. Il y a plein de sites qui se sont fait. Il y a encore une archive zip de tous les sites de Geocities. Ah, ouais. Zip sur BitTorrent, si tu veux chercher ça. Ah, aller chercher ça. Revoir. Mais parce qu'il y avait des trucs que j'allais des fois. Tu sais, quand tu fais la musique, des fois, t'as des partitions. Mm-hmm. Netscape également, donc l'interface principale de Netscape qui est là-dessus. Mais ça, c'est la vieille version. ICQ, qui est-ce qui se rappelle l'ICQ? Est-ce que vous avez déjà vu l'ICQ? L'engin de recherche était génial là-dessus. Ouais, avec les chiffres qu'il fallait rentrer et tout. C'était, mais c'était en temps réel, au moins. C'est ça qui est intéressant. Le logo de Napster, bien sûr, et bien d'autres. Aller jusqu'à la Fail Whale, dans le fond, de Twitter. Ah. Qui apparaît de moins en moins, par contre. Oui, ça, faut le dire. Ils ont beaucoup amélioré leur serveur. J'espère, ils n'ont pas le choix s'ils veulent tenir la route. Oui. Ce Twitter. Twitter, comme je les appelle. Et Twitter. Mais c'est vraiment, ça va être assez. Je trouve que ça tourne en rond, Twitter. Non? Ouais, un peu. Ouais. Et pour finir, je vais donner un petit coup au iPad, comme d'habitude, comme j'aime le faire. Les professionnels de l'édition qui préfèrent le Kindle au iPad, tout simplement. C'est une convention nationale de 4 jours et c'est les professionnels de l'industrie de l'édition qui ont conclu que le Kindle domine toujours le marché des tablettes de lecture devant le Nook, le Barnes & Noble et également le e-reader Sony. Et le iPad est sous-performant pour ce qui est de la lecture. Ouais, ben c'est que c'est tablette. Pas fait juste pour ça. Ceux qui veulent juste lire et lire dans toutes les situations à l'extérieur ou n'importe quoi, c'est clair que le Kindle et les autres sont mieux pour ça. Lire, consulter le journal, faut aller également consulter les blogs sur Internet. Oui, tout à fait. Alors que l'iPad, c'est ça, c'est fait pour être plus que ça. C'est une machine de jeu et de travail. Jeux, en faisant aller son iPad de gauche à droite. Youpi. Hey, t'as vu les gens qui vont dans des spectacles et qui prennent des photos avec leur iPad, comment ils ont l'air d'une bande d'idiots. C'est n'importe quoi. C'est le fun. Ils sont là avec leur grosse affaire, puis là, tac, tac, tac, prennent des photos. Tac, tac, tac. C'est rendu maintenant, les appareils photo coûtent tellement pas cher, il me semble. C'est ça. Tu veux juste flasher. Bon. Ouais. Voilà. C'est tout, Simon? Oui, c'est tout. J'ai une dernière petite nouvelle pour toi, rapidement. Oui. Grand Theft Auto 4, tu connais? Oui. Le jeu vidéo, là? Oui, ben oui. Celle-là, c'est... Ah oui, le 4, OK. Le 4, c'est ça. Donc, ils ont mappé la ville de Grand Theft Auto 4 dans Google Street View. Ah oui? Ben oui, même si la plupart des gens qui ont joué au jeu connaissent sûrement la ville par cœur, mais GTA4.net a créé une grande ressource très utile. Donc, en utilisant le API, le système qui te permet de te brancher dans Google Maps, et au-dessus de 80 000 captures d'écran, le site a créé une carte interactive et presque complète de la ville virtuelle de New York, créée par Rockstar pour Grand Theft Auto 4. Vous pouvez aller voir le lien que je vais poster sur assemblagerequis.com. Voilà. J'ai jamais joué à Grand Theft Auto 4. Je suis pas un fan non plus. J'ai pas les. Ben en fait, c'est juste que j'ai pas une console pour pouvoir jouer avec. Ouais. Ce qui est très dommage. Je crois que c'est sur PC aussi. Sur PC, oui, mais. Plusieurs versions, je sais pas. Mais ce qui arrive avec ces jeux-là, surtout avec les jeux de Rockstar, c'est qu'il y a comme une priorité qui est faite pour une console en particulier. Ouais. Après, c'est sorti sur les autres consoles et après ça, une version PC éventuelle, mais jamais sur Mac, malheureusement. Et voilà. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour notre chronique Scout des Internets. Exact. Oui. Toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis avec Marie-Pierre et Mathieu Plante. Oui. J'ai aperçu Maxime Pronovo qui s'en vient tantôt pour nous parler. Oui, il nous a fait des coucous dans la fenêtre. Ben oui. Il fait pas comme Simon, il saute pas devant la fenêtre pour nous faire peur. Hein? Non, même pas. Je le vois, là. Il fait comme s'il nous entendait pas, mais il nous entend très bien, là. Hein, les gars? On va l'entendre dans votre gars. Ah, lève-le. Salut! Antoine Corriveau avec Barcelone, tout de suite. Il fait une face épeurante, en plus, Steph. J'haïs pas ça, t'sais. Une face épeurante, en fait. Fais pas comme si tu m'entendais pas. Ah, elle, ouais. Il est subtil. Il est comme, c'est comme un ninja, finalement. Il est furtif. J'avais des plans, des beaux projets. Des fenêtres ouvertes le printemps. Le vent qui entrait et sortait, et j'espérais la pluie longtemps. Il y avait ce soir dans le ciel de la lumière comme des éclairs, de la lumière un peu trop belle pour être celle des lampadaires. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je t'ai vu, toi, ton appareil. Le sourire, l'objectif braqué, pointé sur moi qui te surveille. assez trop arpenté de ces trottoirs en solitaire, fuyant de peur de ressembler tous ceux qui laissent goût amer. Laissons-les se battre si tu veux, c'est un combat perdu d'avance, et nous n'avons pas besoin d'eux, car chaque jour il recommence. Je veux regagner Barcelone, même si je sais que tu crains que nos pas à nous n'y résonnent, bien que parce que l'on est certain nous y trouvera pas, que l'on n'est pas là pour personne d'autre que toi et moi à Barcelone. Marie-Pierre et Mathieu vous montent un bateau. Vous écoutez La Vie de Croisière d'Assemblage Requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Vous êtes toujours à La Vie de Croisière d'Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou avec Marie-Pierre et Mathieu. On est toujours dans le top 20 anglophone cette semaine et on va aller entendre tout à l'heure Black Mountain en 5e avec Radiant Hearts. Mais tout de suite, on va entendre Atomic Baobab avec Unstable. En 6e position. Oh, 5. Mountain et Radiant Hearts en position numéro 5. Ça monte de 4 places. Et avant, c'était Atomic Baobab avec Unstable, l'ancien numéro 1, maintenant en 6e anglophone. Maintenant, c'est le moment de parler de littérature. Voici la chronique littéraire de Marie-Pierre. Je sais qu'on avait dit que c'était pas vraiment un très beau nom, que ça avait aucune précision, que c'était beaucoup trop... Non, en fait, c'était trop précis. Mais quand même. Donc, Marie-Pierre, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique littéraire? Je vais vous parler de l'auteur Amélie Nothomb. Qui a sorti son premier roman en 92, Hygiène de l'assassin. OK, je vous commence avec ça. Et c'est une auteure qui publie 3 à 4 romans, qui publie un roman par année, mais qui en écrit 3 ou 4 chaque année. Donc, c'est une auteure qui est très prolifique. Okay. Mais elle ne les publie pas, les autres. Elle fait juste les garder pour elle? Elle les garde pour elle. Donc, okay. Elle considère que ce n'est pas assez bon. Elle publie son préféré de l'année. Ah. Donc, elle fait un roman par année, ce qui en fait à date environ 19. Donc, à sa mort, ça va monter à... Non. Non, mais c'est ça qui va arriver. Elle est jeune non, mais ils vont sortir éventuellement, ces livres-là, si elle est spot que ça, non? Ben, peut-être si elle les détruit ou si elle les cache, il devrait... Oui, oui, Maxime Pronovo peut placer un ou deux. Vas-y. Ça me fait penser justement à Nelly Arcand. une fois qu'elle Amélie est décédée, Arcand. Non, mais quand tu glissais le fait que lorsqu'elle va probablement décéder, à ce moment-là, la plupart des gens décèdent. C'est un fait. Non, mais... Éventuellement, mais les livres vont suivre par après. Mais non, je crois que c'est différent de Nelly Arcand, parce que Nelly Arcand avait déjà prévu le livre avant sa mort. Il était supposé sortir, donc ils l'ont publié, mais je crois pas qu'ils vont en publier beaucoup d'autres. Oui, mais quoi de plus vendeur pour une maison d'édition que de sortir un disque? Ben, un livre posthume. C'est comme les toiles, tu sais, les toiles les plus célèbres des artistes sortent après leur mort, ça, il me semble, non? Mais sont découvertes. En même temps, après leur mort. Si elle décide de les détruire ou quoi que ce soit, si elle veut pas les faire publier, peut-être qu'ils seront juste, tout simplement jamais publiés. Ah, ben, c'est possible. Donc, à quoi bon publier un livre que l'auteur considère comme pas bon? Ou en tout cas, bon, c'est un sujet de discussion à revoir. Ouais, les gens sont autocritiques des fois pas mal. Hein? Oui, donc je reviens à Mylène Tom, belge vivant entre Paris et la Belgique, mais qui est née au Japon. Et d'ailleurs, le Japon, c'est ce qui a parti le roman Stupeur et tremblement. Donc, le roman dont je vous parle aujourd'hui, c'est Stupeur et tremblement, paru en 1999. Donc, c'est une autobiographie, c'est-à-dire... un roman écrit d'après la vie d'Amélie Nothomb, parce qu'elle-même est allée au Japon. Elle est allée travailler dans une compagnie qui s'appelle, bon, dans le livre, c'est Yumimoto, dans la réalité. Est-ce qu'on le sait? Bon, donc c'est un livre qui joue entre la réalité et entre la fiction. On ne sait jamais ce qui est vrai, on ne sait jamais ce qui ne l'est pas. Donc, Amélie Nothomb, appelée là-bas Amélie-san, donc j'imagine c'est un, ouais, c'est un mot qu'on met souvent, japonais. Et elle va travailler là-bas en tant que traductrice au départ, mais étant donné que bon, c'est une occidentale, les Japonais, c'est un tout autre mode de pensée, donc elle se retrouve à faire des gaffes après gaffes après gaffes, et donc elle part d'un bon statut dans l'entreprise pour tout doucement, mois après mois, descendre au plus bas. Donc, justement des habitudes L'inverse des habitudes. Donc, au lieu de partir au bas et de monter jusqu'en haut, elle part du haut pour descendre jusqu'au très, très bas. À le fond de vous dis pas jusqu'où ça va, mais c'est étonnant, OK? Donc, tu dis, quelqu'un peut pas occuper une job comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à travers ce roman-là, les habitudes des Japonais. Donc, toute la question de l'honneur qu'Amélie Nothomb essaye de respecter. Parce que, bon, elle peut pas démissionner parce que ça l'irait contre l'honneur, la valeur de l'honneur qui est chez les Japonais. Mais là, j'imagine qu'on plonge vraiment dans les habitudes traditionnelles, dans les valeurs, comme tu disais. Oui, là, absolument. Mais en même temps, c'est dans comme... la famille. Étant donné... On reste au travail. Ah? Donc, c'est le travail qui est très important chez les Japonais. Donc, c'est toujours entre les deux. Elle nous raconte des choses. Oui, c'est peut-être une base de... de réalité. C'est peut-être déjà arrivé, mais... on ne sait jamais où est-ce qu'elle va parce que, bon, elle est très drôle. Tu sais, elle se retrouve dans une situation totalement épouvantable, puis elle en rit quand même. Tu sais. Donc, il y a toujours cette touche d'humour-là à travers son roman qui en fait un très bon roman. Puis d'ailleurs, il a gagné un prix qui est le Grand Prix du roman de l'Académie française, qui est quand même, selon moi, un prix prestigieux. Et bon, son livre a été adapté au cinéma. Donc, si jamais vous voulez regarder. C'est sous quel nom il a été adapté? Stupeur et tremblement, okay, aussi simple que ça. Donc, c'est un livre à découvrir. Ça se lit super rapidement. C'est environ, quoi, 200 pages, moins que ça. Écrit très gros, donc ça se lit super facilement. Puis c'est agréable. C'est un roman qui est très agréable à lire. Plein d'humour et je vous le conseille fortement. Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça me fait plaisir. T'as une autre collègue qui s'en vient plus tard. Tu vas nous parler d'une sortie à faire? Oui, une sortie dans le coin de Pointe-Calumet. Pointe-Calumet. Oui, parfait. Voilà. Donc, pour l'instant, on va continuer avec du palmarès. On a Maxime Pronovo qui s'en vient avec une chronique tantôt et en plus une entrevue avec CTN Color. Que ça va être plaisant de parler avec Dallas Green. Excitant. On va aussi avoir Marc-Antoine Lavoie qui va nous parler un petit peu de sport tout à l'heure. Que de contenu dans cette presque dernière heure de la vie croisière d'Assemblage Rocky. Donc, pour l'instant, en musique, position numéro 3. Tout à l'heure, Timber avec Blackwater. Mais on débute avec la quatrième. Ouais. La quatrième position, c'est Enjoy Your Pumas et la chanson Do It Every Day. On adore ça. Enjoy Your Pumas, everybody. With her.

Ah, que c'est bon ça, un petit peu de Timber Timber avec Blackwater. Ça monte de 4 places en 3e position anglophone sur l'album Creep on Creepin' On. Je sais que t'aimes le titre, je tiens à le mentionner à chaque fois parce que tu l'adores, c'est ça? Oui, Timber Timber, oui, ouais. J'adore ça. Non, le titre aussi de Creep on Creepin' On. Ah non, moi j'aime mieux Enjoy Your Pumas. Ah ok. Oui, donc c'est la fin de la 3e heure de la vie de croisière d'Assemblage Rocky. Il y en a une 4e qui s'en vient et cette 4e heure-là, il ne faudrait pas la manquer parce qu'on va avoir, entre autres, une entrevue avec City and Color par oh, Max. Oh, il y a du stock qui s'en vient, pareil, ça va être bien étonnant tout ça. J'en ai les mamelons qui durcissent présentement. Caline, des détails que j'avais pas besoin d'avoir. Les garçons. On a aussi Marc-Antoine Lavoie qui s'en vient, qui va nous parler un petit peu de marche à pied. Course à pied. Oui. Mmh. Marche, ça se fait la à pied marche aussi. À pied. Ah. Je vais vous expliquer comment mettre un pied devant l'autre. Oh, ouais. On en apprend tous les jours à cette émission-là. Il y a aussi une chronique de Marie-Pierre. Oui, ça va être une petite sortie dans le coin de Montréal, un peu plus loin. Restez avec nous, c'est la vie de croisière d'Assemblage Rocky. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Alors, c'était ta dernière chance de nous inventer une danse pour la dernière heure. Tu l'as raté, t'es passé par-dessus. Non, attends, je vais vous sortir quelque chose tantôt. OK. Je vais peut-être même danser sur une chanson que vous en attendez pas. Ah ouais? Ouais. Eh bien, Colin. Oh. Donc, vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Rocky avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et moi, Mathieu Plante. D'habitude, Marie-Pierre, elle fait une danse sur la musique d'intro. Là, c'est passé le robot. La danse du robot. Ouais. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Donc, Marc-Antoine, la voix sportive. Ouais. Hein? Non? Oui, on avait le choix entre la voix sportive et la voix virile. Oui, bon. Mais la voix sportive, c'est plus d'Adon. Sportive et virile, de toute façon, les vrais hommes, là. Hein? En tout cas, non. J'essaie d'imiter un vrai gars, pas capable. Ça veut tout dire. Ça va bien, ton affaire. C'est quoi un vrai gars? Ben, c'est ça que je me demande, le cliché du gars, genre typique, le mâle alpha. Là. c'est quoi le mâle alpha, Marc-Antoine? On laisse les sentiments de côté. Okay. Oh, bonne réponse. Bon. Non, mais un vrai gars, ça doit avoir l'anatomie nécessaire. OK. Les mamelons qui durcissent. Yes. En compagnie de Dallas Green. Ça, c'est... Ouf. On verra tout à l'heure. On verra. OK. Toi, tu es le seul prérequis, je crois. Comment? C'est le seul prérequis? Ben, l'anatomie. Là. D'accord. Donc, tu nous parles de course à pied aujourd'hui. Oui. Il a fait beau cette semaine. Ouais. Je me suis dit, faut commencer le sport. Là. La plage va arriver. Les gars, souvent, on a un petit complexe, un gros complexe qui est notre petite bédaine. Et la remise en forme est nécessaire pour l'été, pour être bien bronzé et non avoir un baril de bière, mais plutôt un six-pack. Et je me suis dit, la course à pied, c'est un excellent moyen, pas cher, accessible à tous les gens. Alors, je vais vous en parler aujourd'hui. Et dans le fond, je vais vous parler des points intéressants, des points importants à considérer. Et de moyens de se motiver et quelques ouvrages qui sont faits pour la course à pied au Québec. Pour commencer, souvent quand on commence la course à pied ou qu'on veut s'entraîner, les gens ils vont trop rapidement et ils vont trop intense et souvent on se décourage. Comme quand on fait un régime et qu'on dit j'arrête la crème glacée puis t'en manges plus jamais, mais si t'aimes ça la crème glacée, il faut manger un petit peu. Ça va t'encourager. Ça va t'encourager. Tu vas en avoir pareil au lieu de retomber dans 2 semaines dans la crème glacée puis reprendre. Te gaver. Ouais. le conseil qui est très important à ne pas négliger, c'est avant de commencer la course, c'est important d'être capable de faire 45 minutes 3 fois par semaine de marche rapide avant de commencer à faire une course de 5 km environ. OK. Pour des compétitions, tout ça. Donc, si on n'est pas capable de suivre 45 minutes de marche rapide 3 fois par semaine, On va continuer à faire de la marche rapide jusqu'à temps d'atteindre ce niveau-là et ensuite on peut commencer le jogging progressif. Okay. Mais là, si on est obligé de faire de la marche rapide comme on le voit, là, les clubs de marche rapide, ça a comme une technique particulière. Oh non! Avec des petites shorts. Ouais. Ouais, avec des fesses qui balottent de gauche à droite. Ouais. Là. Oh, mais ils ont comme des saprés jambons, eux autres, en arrière. C'est incroyable. Jambons! Ouais, ben ça, c'est un sport technique. Là, mais, non, une marche rapide. Juste marcher vite. Une bonne marche, là, on est en retard à job et il faut se rendre au bout de la rue. Là. Ah, tu parles d'expérience. Hein? Ouais, ouais. Et un autre point, c'est peut-être redondant, mais une mauvaise alimentation annulera tous les efforts de l'entraînement. Oui. C'est vraiment important aussi de prendre... souvent, avant une course, on va être si on s'inscrit dans une compétition, on va être vraiment stressé. Et le matin, on n'aura pas faim parce qu'on va avoir, on va être trop stressé. Mais ça, c'est, il faut vraiment prendre de quoi avant d'aller courir, une petite collation, quelque chose, parce que pour maintenir son niveau de glycémie stable, le corps a besoin de glycogène hépatique. Ça, je vous expliquerai pas trop c'est quoi, mais il a besoin de ça. Il y a pas ça dans la poutine, mettons. T'sais. Non, il y a pas ça. Ben peut-être. Il doit. Ça doit être une sorte de glucide ou quelque chose. Mais c'est peut-être plus intéressant d'aller le chercher ailleurs que dans la poutine. Disons dans justement dans une revue que je vais vous parler tantôt, il y a une recette à toutes les éditions de revue qui parle d'un moyen d'un plat pour manger le matin. Et c'est pas toujours des shakes. Non, non, là, on est dans la popularité des shakes de protéines, ouais, et tout ça. Là, non, il y a moyen de s'entraîner d'une façon saine et une alimentation saine. Donc, surtout pour qu'est-ce que je parlais des glycogènes hépatiques, surtout le matin, parce qu'après une nuit, le niveau de ça, il est à plat complètement. Donc, il faut déjeuner, qu'on appelle briser le jeûne du matin. Est-ce que c'est de là que ça vient, le mot déjeuner? Oui, ouais. Hein? Briser le jeûne de la nuit. Donc, c'est important de bien s'alimenter parce que sinon, si on continue à manger du fast-food et toutes ces choses-là, tous les efforts mis à la course vont être annulés et on va perdre la motivation parce que qu'est-ce qui est le fun à la course, c'est qu'on voit les résultats très rapidement. Après 6 semaines environ, on voit déjà des résultats. Ah oui, il y a une évolution, il y a une progression qui est efficace. Puis si on joue au hockey ou un autre sport, ça peut prendre beaucoup plus que 6 semaines ou un skateboard, des trucs comme ça. We fit. Ouais, we fit. C'est ton sport. Ouais, c'est bien. Ouais, ça peut prendre beaucoup de temps, tandis que la course à pied, on voit de l'amélioration très rapidement, ce qui est vraiment motivant. Surtout quand il fait beau, là, le truc, c'est de commencer une belle journée ensoleillée. C'est motivant, on aime ça, on a le goût de sortir. Chaque sortie de course motive la prochaine sortie. C'est super intéressant. Oui. J'ai une question pour toi. Ben, tu sembles dire, bon, déjeuner le matin, est-ce que c'est plus conseillé d'aller courir le matin ou c'est mieux le soir, c'est mieux l'après-midi? Ben, ou est-ce que c'est... Tout dépendant, le matin, c'est que c'est moins... le soleil est moins haut que le midi. Donc, moi, personnellement, je cours soit le matin ou le soir. Okay. C'est plus frais. Le matin, j'aime mieux ça. Je me réveille, je cours. Au bruit des oisillons. Ben, oui, aussi. C'est que le fait de courir le matin, c'est que ça te met en forme pour ta journée. Moi, je courais avant l'école. J'arrivais à l'école et j'étais déjà réveillé. T'es déjà mort. Ouais, tandis que dans mon cas, souvent courir à la fin de ta journée, t'as déjà fini de travailler fort durant ta journée, t'es déjà épuisé, t'arrives chez vous, t'as plus l'énergie d'aller courir. Donc moi, mon truc que j'ai trouvé pour trouver l'énergie de courir, c'est de courir le matin. Donc je me lève une demi-heure plus tôt. Je vais faire une petite course. Il y a beaucoup de gens qui font ça. On voit souvent le cap, c'est rempli le matin. Là, ils vont nager, des trucs comme ça. Là, je dis ça comme si je courais tout le matin. Là, je cours pas à tous les matins, mais... Mais t'arrives en classe de toute façon, puis t'as toute l'énergie que ça t'a apporté. Puis avec le temps, j'imagine justement que cette énergie-là, ben, ça devient nécessaire. De plus en plus. Ouais, nécessaire, mais elle se développe de mieux en mieux aussi. Si tu te sens mal, si tu le fais pas, ça que tu veux dire, dans le fond... Ben, personnellement, oui, parce que, disons, une semaine, comme en fin de session, des fois, on se couche tard, en fin de session, souvent, on court moins, on s'entraîne moins, peu importe dans les gyms, n'importe quoi. Là, on vient à se culpabiliser, on se dit, hey, ça n'a pas d'allure. Là, de plus en plus, tu te culpabilises, et donc, ton effort, par la suite, est plus intense. Et pour pas prévenir les blessures, justement, à la suite d'un arrêt d'entraînement, pour prévenir les blessures, c'est important d'augmenter le niveau d'intensité progressivement, comme on parlait tantôt, c'est important de ne pas commencer à courir tout de suite si on n'est pas capable de marcher le 45 minutes 3 fois par semaine. Parce que là, c'est là qu'on va se blesser, on va vouloir y aller trop intense, on va avoir les jambes molles, on va vouloir courir quand même et on va perdre, on va faire une petite chute et se fouler la cheville ou des choses comme ça, se blesser, se claquer une cuisse. Que tu ne pourras pas t'entraîner du tout pendant des mois, puis là, tu vas vraiment prendre du poids. Oui. Choisir une chaussure faite pour soi. Souvent, on a il y a des gens qui ont plus l'appui vers l'extérieur, des gens qui ont plus l'appui vers l'intérieur ou sur le talon ou sur les orteils. les quatre appuis possibles. Oui, oui. C'est important d'avoir une semelle qui est faite pour soi. Si on veut savoir quelle semelle qu'il nous faut, virez votre vieux soulier. Vous allez voir la partie du soulier qui est le plus usée. Ah, ah, et là, vous allez arriver en magasin, un magasin de chaussures, et qui, vous allez lui dire... T'es chez le boucher, hey! qu'est-ce que tu penses de mes souliers? Ouais, et là, vous allez dire, ben, moi, j'ai un appui qui est plus vers l'extérieur, donc ça me prend une semelle comme plus épaisse, avec un meilleur... pas une arc, là, souvent, on voit ça, une arc dans le soulier. Là. Ouais. Ça va être une semelle plate vers l'extérieur. Ça, ils ont développé ça, même pour le coureur de tous les jours. Là. C'est pas seulement chez des professionnels qui vont pratiquer la course. Non, non, c'est ça. Ouais. Il y a des souliers de à 176 et 100, 200$, mais il y a des souliers aussi pour 100$. On peut avoir une excellente paire de souliers. Ah, c'est bon, ça. Ouais, de tous les marques. Et un troisième, je sais pas comment ils ont calculé ça, mais ils disent que c'est important de pas dépasser 170 pas par minute. Hein? Ouais. Oh. Peu importe la vitesse. Ça, dans le fond, qu'est-ce qui augmente ta vitesse, c'est ton impulsion. Le temps que tu es dans les airs. Okay. Et non la vitesse de tes pas. C'est important. Et augmenter sa chaleur corporelle juste avant de courir. Souvent, les gens, on voit ça dans les films, on s'étire statiquement. On bouge pas, c'est pas bon de s'étirer statique avant une course. Tu conseilles quoi pour se réchauffer corporellement? Ben, dis de même, hein? Ouais. Ben, il y a plein de façons, mais il y a une façon, tu peux comme prendre ton parking dans l'appartement. Oui. Tu fais l'aller-retour en levant les genoux au haut, en allant toucher les talons aux fesses. Ah, OK, comme ça. Ouais. Okay. Sinon, il y a d'autres moyens, mais là, on s'arrêtera pas à ça, là. Et la course à pied, c'est bien de travailler son cardio, mais pour continuer à avoir des efforts et développer ses efforts, c'est important de faire des entraînements musculaires aussi, peut-être deux fois par semaine, pour trois entraînements cardiovasculaires, deux entraînements de renforcement. Avec ça, on devrait être parti pour l'été et impressionner les filles. Ah, oh, carrément! J'ai bien hâte de voir ça. Souvent, le problème, c'est la motivation qui est plus là. Donc, je vous ai apporté deux moyens de se motiver. Le deuxième, okay, qui est Vanessa et ouais, ben, ils sont en dehors du studio. Trois moyens. D'abord, okay, l'atteinte d'un fantasme. Et ça va loin aujourd'hui, je trouve. Ouais. Ça va bien. Il y a Nike qui ont sorti une puce pour les iPods. Oui. Y a Nike Plus. Ouais. Si vous avez un iPod et vous voulez commencer à courir, ou un iPhone ou iTouch ou n'importe quoi. Et comme il dit, si vous n'avez pas d'iPhone, ben vous n'avez pas d'iPhone. Ouais, c'est ça. Tu plates. La pub, hein, c'est vrai. Donc, c'est ça. Si vous avez un de ces appareils-là et vous voulez commencer à courir, que ça vous prend une paire de chaussures, Nike vend des souliers. Qu'une place pour mettre une puce dans la semelle, ouais, sont pas plus chers que les autres souliers. C'est le même prix. Pour vrai? Non, c'est le même prix qu'une autre paire de souliers, New Balance ou ASICS. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et cette puce-là, ça va calculer votre vitesse de course, votre nombre de kilomètres que vous avez fait durant la semaine et tout ça. Pour pas dépasser 170 pas. Ouais, pour pas dépasser 170 pas. Ça marche comme un podomètre. Ouais. Et avec votre grandeur, on le calibre au début. Il vous demande de courir le 100 mètres et tout. Et là, il calibre. Et vous pouvez rentrer vos données sur le site Nike Plus. Et on voyait votre augmentation après 4 mois. Et là, on a un petit avatar. Si on court de plus en plus qu'on court, de plus en plus notre avatar devient actif. Comme au début, notre avatar est là, il joue à une console portable. Et de plus en plus qu'on court, là, le mien commence à faire de la boxe. Puis, c'est cute. C'est vraiment intéressant. C'est un très beau moyen de se motiver, parce que quand on manque une course, on le voit. Pareil comme Wii Fit, tu m'en parles, c'est comme Wii Fit. Ouais, ça m'en fait. Et avoir un objectif, un défi. Comme moi, j'ai choisi un défi qui est le 25 septembre, qui est le défi 5-10 km boomerang. Il y a un 5 km, un 10 km et un demi-marathon. Un demi-marathon, c'est 21,1 km. C'est le 25 septembre, donc c'est la fin de l'été. Ça nous donne le temps de s'entraîner. Il y en a beaucoup durant l'été, mais lui, c'était le plus loin que, ouais, que j'ai trouvé. Faut quand même être réaliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, 5 km, c'est quand même bien. C'est un beau défi pour eux qui débutent. 10 km, c'est peut-être pour les intermédiaires. Et le 21,1 km, ben, c'est un bon défi pour les coureurs habitués. C'est pas un marathon, mais un marathon, il faut être vraiment en forme pour faire ça. Oui. Ouais. Et moi, personnellement, je vais m'inscrire au 21,1 km. Qu'est-ce qui est de valeur avec cette cause-là, c'est que c'est, on court pas pour une cause comme le cancer ou le suicide. Mais tu quand même. Pour toi. Ouais, on court pour nous. On peut peut-être demander, faire du porte-à-porte et dire regarde, je vais courir le 21,1 km, donnez-moi de l'argent, je vais donner ça pour une bonne cause. Oui. Mais ça se fait, mais c'est pas. Faudrait des gens naïfs, ça existe. Ouais, ouais, ben non. Non, mais t'as pas de carte, t'as pas ou de feuille. Ou des gens qui te font confiance, hein, qui ouais, ah, excuse-moi, c'est vrai. Ah, ah, ah bon, comme ça, c'est beaucoup mieux. Ouais. J'ai l'air d'un gars qui déteste tout le monde. Donc, si vous voulez vous inscrire à ce défi-là, c'est le site cyclomauricie.com, cyclo, C-Y-C-L-O, mauricie.com. Et aussi, ou sinon, si vous voulez courir pour une bonne cause, allez sur le site courirpourlavie.ca. C'est plein d'événements de courses qui sont faits pour la prévention du suicide. On ramasse des fonds et qui sont faits sûrement pour des organismes mais, comme Tel Jeune et des trucs comme ça. J'imagine que pour la motivation, bon, t'as dit à la fin de l'été, se prendre un objectif, mais j'imagine aussi que ça peut être intéressant de se dire, bon, au milieu de l'été, je vais faire un 5 km et je vise le 10 km pour le mois de septembre. Ouais, j'imagine oui. Que ça peut être super motivant ouais, aussi. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est que le 25 septembre, ça donnait tout l'été pour s'entraîner. Ouais. Des fois, s'inscrire à une course et pas être prêt, ça peut nous démotiver si on finit pas la course et là, on arrête le sport. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec la course à pied, c'est que depuis quelques années, on parlait dans les années 80, la course à pied était plus faite pour des niveaux, pour atteindre des niveaux de performance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour l'entraînement physique et réussir à perdre du poids et tout ça. Et c'est devenu très, très, très populaire. En 1970, il y avait seulement 127 concurrents qui étaient inscrits au marathon de New York. En 2011, il y en avait 45 000. Et il a seulement fallu 8 heures pour conclure les inscriptions du marathon de Boston, qui était de 25 000 personnes. En 8 heures, 25 000 personnes qui sont inscrites et c'était complet. J'ai des ouvrages à vous conseiller. Il y a une revue toute québécoise qui est sortie et qui est disponible gratuitement dans les Sports Experts, dans les plans de sport et le Yeti à Trois-Rivières. C'est Comag. Ça parle de la course, on monte de l'équipement, des entraînements, on parle de nutrition et on parle aussi d'une ville au Québec. On dit des sentiers comme de course. Et justement, dans le premier numéro qui est le printemps, le numéro du printemps 2011, on parle de la ville qui est Shawinigan. C'est super intéressant. On a trois parcours dans la ville de Shawinigan, un 5, un 10 et un 13 km. Mmh. Donc, le magazine, c'est Comag, qui s'écrit K-M-A-G, ouais, comme kilomètre AG. Oui, on a économisé un M pour faire Comag. C'est vert. Oui. Ils ont économisé ouais. De langue. Et ça, c'est quatre numéros par année, printemps, été, automne, hiver. Et dans le fond, elle d'hiver, j'imagine qu'il va donner des équipements pour courir l'hiver. Et elle l'été pour courir l'été, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et disponible gratuitement. Si vous voulez l'avoir à votre porte, c'est possible aussi. C'est 15$ pour les 4 numéros par année. Et on va sur comag.ca. Et il y a un livre aussi, c'est Courir au bon rythme. C'est fait par Yves. Là, j'avais ma page tantôt. Là. Excusez-moi, ce sera pas bien long. Oui, c'est fait par Jean-Yves Cloutier, qui est un entraîneur et concepteur des programmes d'entraînement du Marathon Oasis de Montréal, et Michael Gauthier, qui est un journaliste, qui ont écrit un livre « Courir au bon rythme » qui donne des programmes d'entraînement de débutants à professionnels. C'est tout québécois et c'est super intéressant. C'est super, oui, très intéressant. C'était pas mauvais, comme c'est un jeu de mots, pas mauvais comme chronique. Ouais. Ah. Okay. Comme marché. Donc, bonne remise en forme. Oui. Oui, bonne remise en forme. Merci beaucoup, Marc-Antoine. La ça voix, fait plaisir. La voix sportive, la voix virile et tout ce que tu veux. Il va falloir nous faire une musique d'intro. Faudrait. Ouais. Avec toi qui chante dessus? Je sais pas. Non. Avec des pas? Des pas? Ah oui, des pas. Ouais, et je vais essayer de vous amener un sport à chaque chronique, un sport d'été. Là, c'est la course à pied, c'est quand même assez simple, mais je vais essayer de vous apporter des sports un petit peu plus. Un petit peu moins pratiqués. OK. OK. Ah, faire découvrir des sports. Des sports obscurs? Ouais. J'aime ça. Oui, le sport boudé. Ah ben. À bientôt alors. Bientôt. Merci. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis, Marie-Pierre et Mathieu ensemble pour encore une bonne quarantaine de minutes. En fait, je dis bonne, mais c'est comme un petit peu moins que ça. Oui, déjà. Ça va passer très vite. Oui, parce qu'on a tantôt Maxime Pronovo qui va parler avec Dallas Green de City and Color. Oui, puis en plus de ça, ben, y a des spectacles qui s'en viennent. On a reçu des gens ici qui sont venus en studio pour nous dire qu'il y avait la 5e édition des spectacles en plein air. Ça se passe à Yamachiche. C'est gratuit. Ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout quand on veut voir des concerts. Je sais qu'il y a pas mal de fans d'Éric Masson dans le coin ici. Ouais. Il est venu faire une couple de shows, je pense, à la Chasse-Galerie dans les dernières années. Il va être le 23 juin à 21h directement là-bas, là, au spectacle en plein air de Yamachiche. J'imagine que c'est le spectacle de la Saint-Jean aussi. Oui. Ouais. Oui. En même temps. Il y aura Marco Cagliari et son spaghetti le 23 juillet. Il y a Steve Hill et Steve Hill, Eric Masson aussi. Oui, ça va être assez bien pour un petit peu plus d'informations. Appelez donc Nancy Mascotte au 296-1709. Le message est fait. Merci beaucoup, Maxime. C'est un plaisir. On te retrouve dans quelques minutes. Pour l'instant, on va écouter Winter Gloves avec une pièce qui est très appropriée par rapport à la marche et la course. Voici Gym Class. Gym. Comme dans un gym, tu pourrais marcher puis sûrement faire de la course. Non, mais là, t'essaieras de faire un lien avec une chanson, toi. Hein? Ben, des fois, ça marche. Pas cette fois-là. Okay. pas cette fois-là. Oh! Je l'avais même pas réalisé, des fois, fait. Ça marche, pas cette fois-là. Aïe, aïe. Picard, ça. I'm freezing like a snowball, walking on the footpath. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Rocky. Attention, requin. See you. La pièce Hello, I'm in Delaware de City and Color ou Dallas Green. Et d'ailleurs, Max Pronovo lui parle en ce moment par téléphone. Oui, puis hey, j'ai toute une histoire. Par exemple, je vais commencer par ça, tiens donc. Je remonte à septembre 2006. Ça se passe à Québec au festival En vol et macadam. Il y avait Alexis on Fire puis Every Time I Die, des deux groupes qui sont, je pense, qui sont quand même chummés un peu ensemble. Puis ils font pas mal de shows ensemble. En tout cas, dans ce temps-là, ça avait l'air d'être pas mal une espèce de buzz, là, les deux groupes ensemble. Puis il y avait pas mal de monde là-bas, mais j'étais arrivé très, très tôt. J'étais arrivé en fin d'après-midi pour voir le show d'Alexis on Fire. Puis je me dis, aujourd'hui, je rencontre les gars d'Alexis on Fire. Puis tu sais, je voulais pas niaiser, je voulais vraiment les rencontrer. Les gars se promenaient sur le site du festival backstage un peu. Puis je suis même passé backstage un petit peu illégalement pour aller voir. Puis je regardais de loin, tu sais, tout le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient, quand c'est que je peux les rencontrer, avoir une photo avec eux autres, quelque chose. J'étais fan un peu, là, quand même. Et là, en face du stage, de l'autre côté de la rue, il y a un bar à crème glacée, OK? Puis là, je vois Wade, le guitariste d'Alexis on Fire, qui a spoté la crème glacée lui aussi. Là, il fait comme « j'ai le goût d'une molle » ou quelque chose comme ça. Puis je vois qu'il l'a vu, là, en tout cas. Le ni une ni deux, je vois qu'il a vu ça. Les gars partent pour aller se chercher une grosse molle. Puis là, je les intercepte directement. Puis je demande « Hey guys, can I take a photo with you? » Puis là, il y a Dallas Green qui me dit « In a few minutes, man, it's ice cream time. » Là, je capotais juste de me faire répondre par lui qui voulait une crème glacée. Je capotais, j'étais un fan fini à l'époque. Un petit peu encore, je pense, aujourd'hui. Ouais. Puis sérieusement, je suis bien, bien content de l'avoir au téléphone présentement. Finalement, j'ai eu ma photo avec les gars d'Alexis on Fire qui se bourraient la face de crème glacée rose et verte fluo. Yeah. Moi qui ai un sourire niais. Il y avait de la pluie, il faisait fret pendant la soirée. Ils ont donné un show incroyable, un show hallucinant, par téléphone. Hi, Dallas. How are you? Good. How are you doing? Pretty good. I'm really happy to have you on the phone right now. I just told back in 2006, Alexis on Fire was playing a show in Quebec City, and I got a picture with you, George, and Wade around me. I have that crazy fan look in the eyes, and you guys were eating green and pink ice cream. It was a real fun time for me, and you played an incredible show on a rainy and cold night. But let's talk about your new album that is coming on the 7th, yeah? And, yeah, 7th, on next Tuesday. Yeah. Little Hell will be out on the 7th on Dying Alone and Vagrant Records. Can we expect this album will be as introspective as your other solo albums? Yeah, definitely. I think the lyric writing is still sort of from the same approach. Like, it's still, they're very... written from like a very personal angle, but the music is a little bit, there's a bit more going on certain songs, I guess, you know, like just a little bit more of an expanded musical idea. Like, there's a lot more full band type songs, but they're still just songs with me and a guitar. So it's a bit of both worlds. Is it more rock a bit? I mean, I just heard Fragile Bird, your first single, and there's a video of this song. And I mean, I think it has maybe a little more distortion than... Yeah. There's a couple of songs that have a bit more distortion, like that song, and there's maybe one or two other ones that sound a bit kind of along the same lines. But then there's still songs that are just me, and then there's songs that are a little more like Bring Me Your Love style songs. Yeah. And so it's kind of all over the place, I guess. Dallas Green nous a dit que son prochain album sortait mardi prochain. Little Hell. Oui, Little Hell. C'est un album qui est quand même introspectif, donc il y a une sorte, c'est quand même personnel, mais un petit peu plus rock que ce qu'on est habitué d'entendre sur ses autres albums. Oui, parce qu'on a quand même entendu dans le passé, en 2005, qu'il y avait la sortie de son album Sometimes, qui était... Ça, c'était vraiment personnel. Puis comme il l'a dit justement dans les paroles, là, ça l'est toujours autant. Puis là, il s'est amusé, je pense, un petit peu à créer un peu plus, là, peut-être en studio. C'est ça, mais il y a aussi des chansons avec lui juste à la guitare. Oui, voilà. Maintenant. You seem to renew yourself every time on every new album. Do you challenge yourself when you write new songs? I think, yeah. I mean, it's not necessarily a conscious decision, but I think it's just there always to try and write a different, not necessarily a different style of song, but sort of just to take an influence from another perspective. And I never want to really just write the same song twice. As much as I think my songs all still sound like me, I want to explore different ideas, you know? You just talked about your influence. What band or solo artist do you listen to these days? Right now, I'm listening to a lot of this. Well, a lot of actually my friend Daniel Romano, who plays in my band with me. Actually, he's also in Attack in Black. Okay. Yeah. Yeah. Yeah. He's been putting out some solo records that I just think are absolutely amazing. So I listened to that. There's a band called Young Widows, who are from Kentucky, who I've been listening to a lot lately. Who else? Let me think. Is Wade, does he ever done something with this band? Yeah, he just actually made a new record. Yeah, okay. Oh, yeah, with Young Widows? Oh, you're asking if he's ever done anything with that band? Yeah, yeah. No, I don't think so. But, no, but he okay. he actually did just make a new album of his own, so that'll be out soon, I think. Okay. Donc, tu lui demandais s'il se lançait des défis pour écrire l'album. Ouais. Il a dit que c'était pas une décision qu'il prenait consciemment, qu'il essayait toujours d'écrire quelque chose de nouveau pour pas se répéter dans ses propres, dans sa musique. Dans le fond, d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Puis il se renouvelle là, justement comme ça à chaque album. Mais j'ai l'impression que le gars en tant que tel fait ce qu'il a à faire. Hein, mm-hmm. Puis il écoutait. J'ai demandé aussi en même temps quelles étaient ses influences. Puis il a parlé de Young Widows. Mm-hmm. Puis aussi... Attack in Black. Oui, Attack in Black, qu'on a entendu quelques fois ici, j'ai l'impression. Wow. Assez fou, oui. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, si vous pouvez avoir la chance, en tout cas, vous avez la chance d'aller voir son vidéoclip qui est pour la chanson Fragile Bird, qui est sortie justement. Vous avez la chance d'aller voir ça sur YouTube directement. Sinon, il y a la possibilité de le voir aussi sur son site web qui est cityandcolor.ca. Donc, vous avez l'occasion de voir ça. En tout cas, si vous voulez voir ça, il sera aussi... au festival Oshiaga dans les prochaines les prochains mois, mm-hmm. ici à Montréal, 31 juillet, je crois que ça se passe samedi, ça. I just saw on your tour that you'll be on Glastonbury Festival. How do you feel about it? I mean, it's pretty crazy to It's a really big festival, isn't it? Yeah, it's very big. It's one of the biggest ones in Europe. So I've grown up watching it on TV when Much Music plays it, and then I've been, just always checking out to see who's playing every year, and it's a really crazy feeling knowing that I'm actually going to be part of it this year. Yeah, and you'll play Oshiaga Festival 2 on July 31, I think. Yeah. Yeah, I don't know exactly what day I'm playing yet, but I'm very excited about that too. Yeah. Okay. Mis à part ça, j'ai demandé justement quel festival il allait faire. En fait, j'ai plus demandé, tu vas participer à Oshiaga. Mm-hmm. Ouais, puis aussi, je pense qu'il est pas mal excité d'aller participer au festival de Glastonbury. Oui, il cherche lui-même, qui va jouer là. Il est excité, puis il va être dans le spectacle lui-même. Mais c'est incroyable le nombre de personnes qui vont voir ça. En tout cas, les gens qui nous écoutent présentement, si vous avez la chance, si vous avez un ordinateur proche, allez sur YouTube, tapez Glastonbury Festival. C'est incroyable le nombre de personnes qui vont voir ça, qui participent à ce festival-là. Il y a des super de gros noms encore cette année. Ça va être incroyable, j'imagine, pour lui, en tout cas, de passer... À Oshiaga, en passant, pour ceux qui se demandent la date, c'est dimanche 31 juillet. Oui, ça me plaît, ça. Donc voilà, sur oshiaga.com, on peut en avoir plus d'informations sur ça et sur les autres artistes que City and Call. Donc son prochain album, qui sort mardi, qui s'en vient. Little Hill par City and Caller. Ça devrait être assez intéressant, assez bien d'avoir ça. Alors, un gros merci à Dallas Green. Thank you, Dallas. Oh, thank you very much for having me. It's been a real pleasure to have you on the phone. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Merci. On va écouter. Ah, ça grange vite. On va entendre une autre pièce de City and Caller. On n'a pas demandé laquelle jouer, mais je vais te le demander à toi, Maxime. Quelle pièce tu as envie d'entendre? C'était... Fragile Bird. Oui, ça serait très bien. D'ailleurs, il y a le nouveau vidéoclip là, qui est, comme je disais, là, qui est sur son site web, cityandcolor.ca. On l'écoute tout de suite, Fragile Bird. À la vie de croisière d'assemblage requis. City and Color avec la pièce Fragile Bird ici dans la vie de croisière d'assemblage requis. Merci beaucoup Maxime Pronovo pour ton entrevue. Hey, c'est un plaisir. Quelle excitation pour tout le monde. Mais ce gars-là est génial. Ben oui. Dallas Green, wow. Dallas Green, on l'a expliqué à Marie-Pierre tantôt parce qu'elle demandait la question, mais c'est Dallas Green, City and Color, c'est Dallas, ça, le jeu de mots. La ville, Color, Green, tu comprends le jeu de mots sympathique. C'est joli, c'est sympathique. Ouais. Donc, il nous reste environ une douzaine de minutes à l'émission. On est toujours avec Maxime Pronovo, ici Marc-Antoine Lavoie. Bonjour. Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et bonjour. Mathieu Plante. Et Mathieu Plante, oui. Mais bon, bonjour. Et crème la voix virile, hein, arrête un peu. Là. Tu vas devenir trop viril. Tu vas comme dépasser le viril, tu vas devenir plus très viril. T'sais. Ça marche pas de même. Non, non, je pense pas. Alors, on va écouter nos positions numéro 2 et 1 parce que, oui, pour ceux qui suivent depuis le début de l'émission, il y a 4 heures, on se tape le top 20 francophone et top 20 anglophone de semaine en semaine. Là, on est en anglophone cette semaine. Il nous reste seulement 2 et 1. Je vais te laisser dire la numéro 2 parce que la numéro 1, on va revenir entre les deux pour faire les jeux de mots poche. Oui, en deuxième position, c'est Mother Mother avec The Stand. Ça, c'est fou. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Voix virile, voix moins virile. C'est ça. Hey! I keep it a secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice. But then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. Okay, it's everyone here. You mean just all of the people? Yeah, and all of their peers. And all of their pets. And their chandeliers. And their cigarettes. I am smoking years. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. The human race, but for the planets and the stars and everything else in Mars, it's like paradise spread out with a butter knife. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. Don't even know. Everyone's and they don't even know. Everyone's everyone's everyone's everyone's and they don't even know. Everyone's and they don't even know. They don't even know. They don't even know. They don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Hey, c'est vrai, j'avais dit qu'on venait en pour faire les jeux de mots poche. Hey, il faudrait pas manquer notre chance de faire des jeux de mots poche là. Combien t'as de chance dans ta vie de faire des jeux de mots poche? Plusieurs. Plusieurs, et je vais m'en servir. Bon, j'ai pas regardé mes feuilles, donc je n'ai aucune idée quel jeu de mots faire. Ça s'appelle de l'improvisation. Tout le monde connaît ça ici, le principe d'improviser sur des choses. Tu sais, c'est comme t'improvises. Comme, mettons, il y a des jams musicaux, tu sais. Des jams musicaux, tu vas jouer, ça s'appelle l'improvisation musicale de bouche, tu sais. Moi, faire des jeux de mots, c'est de l'improvisation buccale, qu'on appelle. Oral. Oral, ah oui, ben oral, c'est plus beau. C'est plus beau oral, en effet. Moi, j'utilise le mot buccal parce que j'aime les lettres qui sortent de, comme ça, buccal, tu sais. OK. Buccal, tu sais. Comme un canari ferait quand il irait nourrir... pas un canari, c'est quoi un cardinal? C'est un oiseau, ça, un cardinal? Ben, un canari mon... aussi, non? Ok, ouais, je sais, mais juste pour que mon jeu de mots marche. Sinon, ah, cardinal, okay. Ça peut être le titre religieux aussi. Oui, le titre religieux, mais moi, tu sais, comme je suis anti-religion. Mais on s'enligne où avec tout ça? On s'enligne sur le jeu de mots, sur Cardinal Family Singers, parce que j'allais faire le jeu de mots avant que tu m'interrompes d'un oiseau qui irait vomir de la bouffe dans la bouche de son jeune. Hein? J'aime donc bien ça. Comme moi, je vomis des jeux de mots dans vos oreilles à la radio. Hein, tu vois comment ça commence à avoir mais du là, sens. Mais là, Mathieu, j'ai l'impression que tu t'es sauvé de faire ton jeu de mots en nous disant tout de suite le jeu de mots. C'était quoi la réponse? Ah, j'avoue. Mais tu ne m'enlèveras jamais le plaisir de faire ça quand même. Ah. Ça, c'était You Will Never Take This Song, c'est le nom de la chanson. Donc, on l'écoute. I could hear the creaking of my door. Pardon, moi, j'ai honte à l'arrière. Hey, danse pas. I could hear your footsteps on the floor. But I never saw you. You were dressed in black. And when I turned on the lights, everything was gone. In the snow, I found your tracks. Looked like you were never coming back. You only left me with my guitar. And that's the one mistake you made. You will never take this off. I can't remember when we got along. You will never take. Your picture in the paper today. Looks like everything is going your way. That's all fine and good with me. Cause I still got something to say. You will never take this on. When we got along, you will never take this off. I can't remember when we got along. ¿Dónde está el baño? Hein? Ça, c'est ma phrase en espagnol. On parlait en espagnol pendant la chanson. Ouais. Ça montre comment on l'écoutait. Vraiment. Mais parler, c'est un gros mot. Oui, on baragouinait. Ouais. Parce qu'on s'est dit, bon, on a fait une entrevue en anglais cette semaine. Ouais. Pourquoi pas une entrevue en espagnol l'année prochaine? Et j'ai proposé... Cerveza, mi amor! Non? Colin, j'ai proposé de... Il me semble que c'est détaillé comme relation, votre petite discussion en espagnol. Mais bon... Bon, c'est ça, j'avais proposé de faire une entrevue en espagnol la semaine prochaine avec mes bases en espagnol qui sont très, très... Bases. Pequeño... Pequeño... Piña, piña. Piñata, je pense. Ouais. Donc, c'est ça, non, on est sur un bateau, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'on fait le tour du monde, donc on apprend des langues en cours de route, et là, on apprend des mots comme ça, là, le bagno, où la salle de bain dans le bateau, faut le demander des fois, ça, parce que l'équipage, des fois, il parle pas toujours français. Oui, puis il change de langue, tu sais, où on s'en va aussi, hein, bien naturellement. Il s'adapte. C'est ça la fin. Donc, c'est tout pour la vie de croisière d'Assemblage Requis cette semaine. On se retrouve jeudi prochain entre 13h et 17h. On joue les samedis à midi. Et les lundis à 15h, pour ceux qui ont raté l'émission. Vous pouvez aussi télécharger les balado-diffusions de l'émission au complet sur assemblagerequis.com et devenir ami avec nous sur Facebook en cherchant Assemblage Requis. Marie-Pierre, on devait parler d'une petite suggestion de sortie. Ça va être remis la semaine prochaine, ça? Oui. Pour plus de suspense, oui, la semaine prochaine. Caroline, du suspense! Hey, on pourrait finir sur une note, là, pop, pop, pop! Je ne retiens plus, là, j'ai vraiment hâte. Désolée, la semaine prochaine, il va falloir que tu attendes. Qu'est-ce qui va se passer, Caroline? Comment tu vas faire? C'est ça. Je sais pas. En passant, pour les auditeurs du jeudi, l'émission Une dose d'estrogène fait relâche cette semaine et la semaine prochaine, elle va être donc de retour dans 3 semaines, si on veut bien. Mais par contre, après ça, à 18h, la spirale va être là ce soir. Et puis à 19h, c'est Skypunka avec notre camarade X, je crois, la lettre qu'il a choisie. À 21h, c'est Simon Fitzbay qui va être de retour avec Un genre de bleu. Demain, vendredi, soyez à l'écoute pour encore Simon à 10h avec album classique puis rock classique en journée. Ce qui nous suit le samedi, c'est moi avec C'était fou. C'est une rediffusion d'une émission de la première saison. Donc soyez là, C'était fou à 16h samedi. Et puis le lundi, ce qui nous suit, c'est la sécheuse. Donc, on met un paquet de musique, des MP3 de préférence, ben oui. Ça fait moins de bruit, dans une sécheuse. Et puis, on fait tourner ça. Puis, à un moment donné, il y a des petits bas rouges qui arrivent. Puis là, ça vient tout détendre. Ça, c'est une laveuse, par exemple. Ah, c'est une laveuse, ça. Hey, le jeu de mots marche pas pendant tout. Ça fait des années que je dis qu'on mettait des bas rouges dans la sécheuse, puis ça déteignait. Tu parles d'une affaire, j'ai pas mes analogies. Ben, il rapetisse au pire. Ah, ça, au moins, avec la musique, ça a tout du sens. Non, ben. Les chansons sont un peu plus courtes. Ah. Est-ce que? Non. Ensuite, à 20h lundi, c'est Rock Révélé. Donc voilà pour la programmation de C'est fou. Allez voir le cifou.ca pour tous les détails. Merci à tout le monde qui a participé à l'émission aujourd'hui. Évidemment, Simon Fitzbay. Il y a eu Marc-Antoine Lavoie, Maxime Pronovo, les gens de Tricot Machine, Dallas Green de City and Color. Émilie Proulx. Toi, Marie-Pierre. Et toi, Mathieu. Tellement plaisant d'aimer avec toi. À jeudi prochain pour une autre... Les gens qui nous jugent, on ne fait qu'animer ensemble. Bon, ça va? Ça va. On va continuer de dire ça. Ouais. Donc, jeudi prochain, 13h, et on se quitte avec une pièce de Galaxy. Piste 1, bye bye. Bonne semaine. Bonne semaine. On retourne à la maison à Aram, je pense. Où ça? À Aram. À la rame. On va ramer sur le côté de. C'est un gros bateau, il faudrait des grosses rames, on n'a pas ça. On se fait des gros bras. Ah! Ouais. On peut pas courir. Non, c'est ça. On n'a pas assez de jambon autour des cuisses, c'est ça. Jambon. On aime ça faire des callbacks à des affaires qu'on a dit comme v'là 3 ans. Ah oui, mais faut l'expliquer au moins là. Oui. Bye.